Non. Ah, tu la regardes comment maintenant? Je la regarde un peu plus, comment dire. Comme si t'avais envie de coucher avec elle. C'est ça. Voilà. Allez, bien sûr. Bien sûr. C'est juste normal, Brian. C'est juste que tu vas voir que ça va pas se faire tout de suite, généralement. Il y en a qui le font à 13 ans, hein, mais. Oui, il y en a qui le font à 13 ans. En même temps, tout se passe beaucoup dans la tête. On imagine beaucoup tout cela, la sexualité. On y pense. T'en parles avec tes potes de sexualité? Ah oui, j'en parle. Tout le temps. Ok. Tu regardes, tu regardes des films de X. Des films de X. Non, ne regarde pas parce que c'est pas un bon exemple. Je le dis comme ça parce que voilà. Aussi, Doc. Oui, mais non. Oh, ça va, on a le droit de regarder. Non, arrêtez. Pas. Non, je suis désolé. Mais je regarderai quand même. Oui, mais toi, t'es un vieux, donc. Regarde, il a 13 ans. Que les adultes se masturbent là-dessus parce qu'ils sont en panne de sexualité ou de fantasme, c'est pas un problème. Brian, toi, tu as 13 ans, et c'est pas, voilà, je te le conseille pas de regarder parce que finalement, c'est pas une image positive de la sexualité. Pourquoi? Parce que dans les films porno, l'individu est objetisé, c'est un objet de consommation comme un autre. Oui, mais une fois. La sexualité, c'est autre chose. Ok, d'accord, mais une fois qu'on le sait, parce qu'on le sait, on sait que c'est des acteurs et tout. Pas 13 ans. J'entends bien, Doc, mais bon, à 13 ans aussi, tu peux avoir un minimum de cerveau et savoir que c'est pas forcément. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ça fait des dégâts plus qu'il n'y paraît. Et surtout, ça n'importe rien, sinon, de générer des masturbations compulsives. Regarde les fleurs, Brian. Voilà, c'est tout. Et offre-les. Simplement, mais en tout cas, c'est sûr que je sais que je ne peux pas empêcher. C'est pas le but, c'est d'expliquer aux gens que ce n'a rien à voir avec la réalité, que c'est quelque chose de très commercial, qui vise à exciter les gens qui se masturbent et qui jouissent encore plus fort, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour les plus jeunes, c'est pas comme ça qu'on apprend la sexualité, je le dis, je le pense. T'es déjà sorti avec une fille ou pas, toi, Brian? Ah oui, mais pas qu'une. Ah, bah voilà, ça commence par là, et puis après, plus c'est affinité. C'est déjà, oui, voilà. Puis là, c'est l'été, j'imagine même pas le nombre de puceaux qui ne seront plus puceaux rentrée septembre. J'espère que vous viendrez nous le raconter début septembre là dans Love in Fun. Salut à toi, Brian. Salut, Brian. Salut. Est-ce que je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y. Donc, je fais une dédicace à Dimitri, mon pote qui m'écoute, et à Yannis aussi qui m'écoute. Salut les potos. Salut. Salut Brian, et rendez-vous dès demain sur Fun Radio pour la dernière de Love in Fun avant les vacances. Ah oui. Dernier, on se rapproche. Mois, dernière émission. Bah voilà. Et comment ça va, les filles? Je vous prends pas du tout au dépourvu, j'ai l'impression. C'est clair, mec, j'avais l'impression que t'avais encore 8 ans de phrases. Vous faites quoi là? On t'écoutait attentivement, tu vois. D'accord. Là, elles sont polies là. Non, on écoutait Brian faire sa dédicace et tout. D'accord, ok. Voilà. Ça va les filles ce soir? Bah grave. Ouais, ça va, ouais. Et toi? Ouais, ça va pas mal. Pourquoi tu prends cette voix? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, vous allez me manquer. Il fait le lover là. Non, mais pas du tout, je te jure. On va se donner des nouvelles pendant les vacances, non? Tu m'appelleras. D'accord. Dites-le, vous passez vos vacances ensemble. Mais Karel, excuse-moi, Karel, tu bouffais pas un peu à tous les râteliers là? Non, bah toi, depuis que t'as fait des trucs dans tes crics là, ça va, c'est bon, Ibiza là, madame, vas-y, je fais comme si t'étais pas là. Alors en fait, ça va comment ton égratignure? Eh les gars, vous savez quoi? Ça guérit ou pas? Je vous dis un truc juste pour le restant de nos jours, je ne vous dirai plus jamais rien. Parce que ça me on le saura. Mais attends, tu nous as pas dit, ça va mieux ou ça va pas mieux? Ouais, ça va mieux. Ouais, ah bon, d'accord. Amusez-vous bien les filles. Merci. Allez, salut, ciao. Demain. Attention, ceci est un message de l'amicale des voix off de Fun Radio. Nous sommes mercredi et le mercredi, ce n'est pas ravioli. Non. Il reste un jour avant la dernière du Night Show. Un jour, c'est court. Mais ça peut être long si l'on entend ce genre de choses. Parc d'aquation aquatique, c'est hyper cool l'été. J'ai dit parc d'aquation. Ce qui n'existe pas. Ou ce genre de choses. C'est le fun en incroyable talent qui va débarquer. Pour vous inscrire, c'est simple, hein, Darion. D'ailleurs... Darion. Alors moi, je dis non. Non, je dis ça suffit. Rentrez chez vous, j'en ai marre de faire le con dans ma cabine. Mais merde. Et en plus, elles sont même pas drôles. Et t'arrêtes de gueuler, toi. Et bosse-moi cette intro un peu, c'est vraiment naze. Oh, tu m'entendais? Oh, pardon, Marion. Hé, la voix. Ouais. T'as une tache. Noix de pécan. Mais non, on dit pistache. Mais c'est drôle quand même, hein. Allez, générique. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Attention, ceci est une information de la plus haute importance. J-1 avant la dernière de Marion et Anso, le Night Show. Bonsoir la France! Fun Fun Radio, il est 22h02 et c'est vrai, J-1 avant la dernière de la saison, c'est un truc de ouf comme c'est passé à une vitesse. J'ai l'impression encore qu'on est le 24 août, que je vous découvrais tous et qu'on commençait cette aventure, je te jure. Ouais, moi aussi. C'est vraiment... c'est triste. Hein. C'était une année de malade mentale, on a... Ouais. Énormément kiffé. Bon, évidemment, on va pas faire les adieux ce soir, tout ça. Non. Mais quand même, ça nous fait quelque chose parce que c'est l'avant-dernière, donc on est un peu comme ça, un peu fébrile, quoi. Oh, bah j'ai les boules, moi, hein, dis donc. Comment ça va, toi? Bah, on est fébrile, un peu comme Marion, faut que je vous raconte quand même. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai accompagné Marion dans un labo parce qu'elle devait faire une prise de sang. Ouais. Tout va bien, elle est très en forme, elle voulait juste faire un check-up complet. Oui. Donc, je suis allée avec elle, lui tenir la main parce qu'elle m'a dit, tu sais, j'aime pas trop les prises de sang. J'ai la phobie. Ah, c'est pas qu'elle aime pas les prises de sang. Non, mais j'aime pas du tout. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent les check-ups, il y a une grosse quantité de sang quand même. Hein. Oh, mais arrête. Bah, c'est vrai. Et moi, ça m'angoisse. Marion. Mais chacun ses angoisses. Je sais qu'il y a bien pire dans la vie, mais c'est un truc comme ça. Mais, toi, t'angoisses de quoi? T'angoisses de. Bah, je sais pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas une grosse quantité de sang. Bah, quand même. Et du coup j'étais pas bien. Et je suis tombée sur un méchant chat. Ah ouais. C'est-à-dire que l'infirmière, elle était pas gentille avec moi. Non. Elle en avait rien à foutre. J'avoue que c'était vraiment une connasse. Déjà, tu sais, normalement il t'allonge un peu quand t'as tendance à tourner de l'œil et tout. Moi j'étais assise mais bien droite. Ouais. Elle a fait ça, elle m'a pas décroché un mot. Et à la fin, donc normalement tu sais, tu peux reprendre tes esprits tranquilles et tout. Elle m'a dit vous pouvez partir hein, si vous voulez hein. D'accord. J'ai récupéré ma Marion dans la salle d'attente toute fébrile. Alors je lui ai donné une compote. Ah ouais, j'ai mangé une compote et après ça allait mieux. Mais enfin bon, c'était pas un moment sympa, sympa. Ah non, écoute, vraiment non. C'est connu, les compotes ça met toujours de bonne humeur. Tu te fais larguer, tu prends une compote, t'es bien. Et hop, t'es bien. Bon, on va arrêter là parce que je vais aller trop loin. Ouais. Bon, en tout cas, ce soir dans Night Show, vous allez pouvoir gagner encore une fois votre hoverboard. Et puis on va aussi parler des héros et des héroïnes qui ont sauvé des vies. On aura notamment Dominique qui a sauvé la vie d'un mec. Et du coup, ils se sont liés d'une énorme amitié. C'est une histoire assez dingue. Je pense qu'on va vivre un moment beurre ce soir. C'est sûr. Et puis, on aura aussi Célia qui a vécu un moment beurre aussi, puisqu'elle a eu son premier orgasme. Le premier orgasme de sa vie. Ah, c'est beau ça. Et ça, c'est quand même un moment important dans la vie. Vraiment. Pour le son, j'ai deux infos. La première, c'est que demain, c'est vous les auditeurs qui allez choisir la programmation. J'ai envie de faire ça, je sais. Mano me regarde bizarrement, mais c'est vrai pour la dernière. Ou alors, nous, on peut choisir nos titres. Dans l'équipe, pour se faire kiffer, et les auditeurs aussi. Non, voilà. Mais les auditeurs, ils peuvent en choisir quelques-uns quand même, Mano. C'est pas ça, mais c'est-à-dire qu'on est dans la merde si on a un auditeur qui veut écouter un Johnny, quoi. Tu vois. Non, mais voilà, on est d'accord, il faut que ça reste des trucs cool qu'on a l'habitude de passer, mais on peut faire ça, ça va être sympa. Et ce soir, on vous a prévu The Chainsmokers sur Fun. T'as envie d'être en vacances quand j'entends ça, là. Bah, ça arrive, bah, t'inquiète pas. C'est dans la piscine et tout. Ouais. Oh là là. Il y aura aussi le dernier, Martin Solveig. Ça s'appelle Do It Right. À savoir, fais-le bien, quoi. Fais-le raisonnablement, fais-le de manière vraie. Il y a plusieurs sens. En tout cas, c'est cool parce que si la radio marche pas, tu pourrais être prof d'anglais. Je sais. Ça, c'est cool. J'y pense, d'ailleurs. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Que la France se lève. Bonjour. Mais la France est debout. La France se lève pour toi. Vous allez bien, les filles ? Oui, et toi ? Écoutez, j'ai encore fait une loose parce que j'ai envoyé un SMS à quelqu'un. Non, je pensais à quelqu'un et je lui ai envoyé le message alors que c'était pas pour lui. Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Mais ça va, c'était pas méchant le message. On est comme ici, comme ça. Quoi. Bah raconte. Bah genre. Bah en fait, j'ai juste dit cette personne elle est relou. Ah. Et je parlais de la personne. D'accord. Ah, c'est comme si tu pensais que j'étais relou et tu voulais envoyer un message à Marion pour le dire et tu me l'envoyais à moi. J'ai dit Anso elle est relou en ce moment. Comment elle a réagi? Bah, y a eu une petite bulle iPhone qui s'est levée pour dire qu'elle est en train de répondre et il n'y a plus rien du coup. Ah oui, d'accord, c'est la merde. Ouais. Bien joué. Donc je suis un petit peu fébrile. Eh ben, sois fébrile. Comment ça se passe sur les réseaux ce soir? Bah, là-dessus, ils sont au taquet. Hein. Marion et Enzo, ça c'est partout, hein, Twitter, Facebook, Snapchat aussi. On va vous faire des snaps ce soir. Ouais. Plus chaud de la Enzo, au standard, va vous gérer ça. Bah, du coup, vas-y, fais les réseaux, je t'en prie. Hein. Bah, quoi? Bah, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? La meuf, elle me dit, ça se passe comment sur les réseaux? Snapchat, Facebook, Twitter. Tu parles de tes fébrilités texto, donc je prends le relais, quoi. Ouais, ta tête là-bas. Mais attends, peut-être que t'as déjà des tweets qui sont arrivés avec le hashtag Le Night Show. Ouais. Regarde, il est pas prêt. Il est pas prêt. Hashtag Le Night Show. Il se passe plein de choses. Pour réagir à l'émission, c'est hashtag Le Night Show. Super cool de vous entendre pour l'avant-dernière de la part de Nadine Glatin. Nadine, on t'embrasse. Fanny, je vous kiffe. 22h, ça y est, je suis au top. Manu, s'agit, la fin approche, c'est l'avant-dernière émission, hashtag Le Night Show, vous allez me manquer. Oh, bah ouais. Et MyVibe et 44 qui est venue dans le studio il y a pas super longtemps, c'est une auditrice, c'est un amour. 22h minuit, Le Night Show, c'est déjà l'avant-dernière, on va kiffer un max, c'est 2h comme toujours, mais là encore plus. Oh, petit chat. On vous embrasse tous sur les réseaux, on vous lit à chaque fois, il n'y a pas de souci, continuez, on va essayer de faire un petit fil rouge tout au long de l'émission, quoi. Manu Alaria, bonsoir. Bonsoir les filles. Alors, Qu'est-ce que tu racontes? Bah c'est triste, c'est bientôt la fin, mais voilà, on est à fond pour les deux dernières. Ah, et je vous rappelle que c'est demain qu'on vous annonce si on revient l'année prochaine ou pas. Voilà. Ce sera un moment suspense de jour, quoi. C'est ça. Un Malo. C'est un message. Ah, et surtout, ouais, si toute l'équipe revient. C'est ça la vraie question, tu vois. Un Malo. Il y a Enzo Standard qui est avec nous aussi. Bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir toute la France. Ça va Enzo? Ça va super, je suis heureux parce que même si on va se quitter, c'est quand même kiffant d'aller à la plage. Oui, c'est vrai, ouais, ça t'a manqué. J'y vais vendredi, quoi. Ouais, et il va à Narbonne-Plage. Ouais. Parce qu'il faut savoir quand même que je vous raconte, je pars à Los Angeles cet été pour rejoindre un pote. Donc Enzo m'a dit, est-ce que tu peux me ramener une casquette officielle de là-bas et tout? Je dis pas de soucis, tu m'envoies un texto. Tu m'envoies un texto tout à l'heure avec la photo de la casquette. Et après il me dit, est-ce que tu veux que je te ramène un souvenir de Narbonne-Plage? D'accord. Non, on sait jamais. Bah oui, c'est vrai, tu pourrais dire oui, on sait jamais. Mais j'ai dit oui d'ailleurs. Ouais. J'ai dit oui avec plaisir. Et je veux bien aussi. Hein. Donc, ouais, bah vous inquiétez pas, toute l'équipe sera rincée. Donc ce que tu fais, c'est que tu nous surprends, Enzo. Exactement. Okay. Première auditrice de la soirée, c'est un petit peu spécial. Ouais. Oui, c'est un petit peu spécial parce que pour ceux qui ont suivi aujourd'hui, c'était le YouTubeuse Day sur Twitter. Ça a été entêté toute la journée. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, il nous faut une YouTubeuse, une copine pour lancer cette émission. On avait envie de célébrer ça. Du coup, bonsoir. Hello, hello. Salut Chéra, ça va? Ça va et toi? Oh, ah, ça fait plaisir de l'entendre. Alors, ça fait trop plaisir. Ah, moi, j'étais pas là, j'étais sur une hospitalisation diabétique quand elle était venue dans l'émission, mais j'ai regardé les vidéos attentivement et je t'aime, Chéra. Sache que j'aimerais t'épouser sur le champ. Moi aussi, je vous aime. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, on est là, on vient de vacances, tout va bien. Ah, tu reviens de vacances toi? Non, j'étais partie en week-end, mais je m'en remets plus, alors je me la pète. Et t'étais où? J'étais en Grèce. Oh la chance. Oh, ah, cool. Stylé quoi. Ça veut dire que là, tout l'été, tu repars pas? Si, tu repars un peu quand même. Si, je repars, sinon je me suicide vu le temps. Ouais, c'est clair. On est d'accord. Bon, Chéra, il faut que tu reviennes nous voir dans cette émission s'il y a une saison 2, on est d'accord? Ah, bien sûr, je suis là, hein. Ah, ça ferait plaisir. Au top. T'as des petits projets là à nous révéler ou qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les jours qui arrivent? Ben, j'ai ouvert une seconde chaîne en fait qui s'appelle Chéra and Cher et c'est une seconde chaîne que je dédie entièrement à des associations et tout. Donc en fait, tout l'argent que je vais générer sur cette chaîne sera reversé à des associations par mois. Donc voilà, c'est un peu le petit projet qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oh, donc, voilà, j'ai vu cette femme la première fois en vidéo, je me suis dit, elle a la main sur le cœur. C'est un truc de ouf. Eh ben Martel, bravo pour ce beau projet original en plus, franchement c'est cool. Ouais. Merci, c'est gentil, ça me touche. Tu reviens quand tu veux dans cette émission ma belle et puis bon, on se tient au courant sur Twitter, tout ça, on va suivre tes vidéos. Des bisous. Il n'y a pas de souci, je suis là. On t'embrasse, petite femme. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Bon, restez avec nous, parce que dans un instant sur Fun Radio, on va parler fêtes, tout ce qui est fête un petit peu régionale. On a remarqué quand même avec Marion que vous nous invitez souvent dans vos fêtes. On a eu la fête du chapeau, on a eu la fête du pruneau. Oui. Vous voulez absolument qu'on vienne dans vos fêtes? Eh bien, on a décidé que on allait venir dans une de vos villes passer une fête avec vous, n'importe quand. Voilà, mais voilà. C'est à vous de nous convaincre. Venez nous présenter votre fête régionale, celle de votre village, et on choisira après avec Anso. 01 42 48 5000. Il faut que vous soyez hyper vendeur. Hein. Vous nous vendez votre région, votre fête et tout ça. Appelez-nous dès maintenant. Moi, j'ai déjà ma fête et on pourra aller faire la fête du muscadet, je vous le dis. Et pour le son tout de suite, c'est Amir. Bah, c'est mon mec. J'ai cherché sur. Oh, genre. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. I'm C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you, you, you, you. Que Amir, il a écrit cette chanson pour moi, je suis désolée. Hein. Merci, pour moi, Anso, c'est une petite blonde qu'il aime, quoi. C'est tout, quoi. Allez. Vous écoutez Marion Anso, c'est le Night Show. Et je suis tombée sur un truc tout à l'heure qui m'a fait marrer. Bon, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule quand vous allez découvrir ce que c'est. Je vais vous faire découvrir un son, vous allez essayer de deviner ce que c'est, d'accord? Ok. Allez, écoutez. ça fait beaucoup rire, le mec. C'est un mec qui fait des bulles dans l'eau. Non, bah non, parce que c'est pas si drôle que ça, Marion. C'est un mec qui a mis ses fesses dans une bassine d'eau. Non, mais qui a c'est pété. Pas loin, c'est pas loin. Ah, c'est un truc qui pète. Ah, on peut le remettre. Vas-y. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un animal? Oui, c'est un animal qui pète. Un chat? Non. Un chien? Non. Un cochon d'Inde? Un phoque? Non, pas un phoque. Et bah, donne un indice. Bah, c'est un truc qui rampe. Un serpent? Ouais. Mais non, ça pète pas. Mais je savais même pas que ça avait un trou du... Bah si, mais bah non, c'est pas possible. Bah si, je te jure. On va vous balancer la vidéo sur les réseaux sociaux. Marion et Anso, le Night Show, marrez-vous pour rien comme nous. Et puis restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun, on va parler fête régionale. Ouais, vous venez nous dire là, votre fête régionale, celle de chez vous, ça peut être communale, ça peut être le village, ça peut être une vraie grosse fête. On a envie d'en choisir une avec Anso et de venir soit cet été, soit l'an prochain. Même s'il n'y a pas de saison 2, c'est pas grave, on peut venir quand même. Bah oui, on peut faire toutes les fêtes même. 01 42 48 100 000 et je finis avec le serpent qui pète parce que ça me fait marrer. Allez, on revient tout de suite. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Allô? Allô Marine? Wow, c'est Flipper! C'est Flipper le dauphin! Marine, c'est bien toi? Est-ce que tu peux nous dire quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bravo! 359 euros et 86 centimes. C'est le bon temps du découvert, je te paye ce découvert. Merci. Tous les matins, je vous écoute et tous les matins, je rigole. Marine, alors pourquoi tu me dis ça en pleurant? Parce que je suis contente. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Fun Radio présente Lumberjack, samedi soir, au club 801 à 3. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor, mixé par le nouveau duo français Lumberjack. Lumberjack. En DJ set exclusif au club 801 à 3, un événement Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Hey yo, this is Sean Paul right here on Fun Radio. Hey Marianne, and so I love you girls. Bless them. J'adore ce gars. En fait, Jeune Paul, tellement dans l'excès. Il a jamais réussi à dire Marion en plus. Et Marion. Magnifique. On en a eu des invités quand même cette saison, c'était vraiment un kiff quoi. Ouais, c'est vrai que c'était cool. On aura des surprises d'ailleurs pour vous rapport à tous ces invités. Soyez bien là demain soir, je le redis, grosse dernière pour vous et il y aura du cadeau aussi. Donc voilà, on va vous rincer un petit peu. Voilà, et puis si vous voulez participer à cette émission de ce soir et celle de demain d'ailleurs, 01 42 48 5000. On s'est dit avec Marion qu'on voulait venir faire la teuf avec vous, que ce soit la fête du chapeau, la fête du pruneau, la fête du muscadet, tout ce qui est fait. 7. Oui. On veut faire une grosse teuf avec vous dans vos régions. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc vous venez nous en proposer et puis on viendra. Moi déjà, je peux citer une fête. J'ai vraiment le souvenir de cette fête. Ça concernait ma commune à l'époque qui s'appelait Saint-Barthélemy d'Anjou. Et il y avait la fête de la moule frite. Je te jure, c'était tous les ans et t'allais manger une moule frite avec tout le monde. C'était hyper stylé. C'est vrai que c'est cool les moules frites. Ça fait J'adore. Un peu soirée gangbang là quand même. On n'est pas loin de ça. Mais... c'est vrai, c'est pas de mal. Hein. Mais c'était cool. Donc allez-y, faites-nous rêver avec vos fêtes régionales. Là, on attend que ça. Jonathan de Metz est avec nous. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, les filles. Ça va, John? Oui, ça va, et vous? Alors, t'habites Metz, toi? À Metz, oui. À non, Metz. Dit Metz, pas Metz. Ouais, bah écoute... Il y a plein de gens qui disent Metz. Ouais, ça dépend des gens. Non, personne dit ouais, Metz. Ouais, mais bon, c'est la prononciation allemande. Ah bah voilà, bah moi j'aime bien les Allemands. Ouais, toi. T'es un peu allemande, toi. Oui, tout à fait. Bon, du coup, c'est quoi la fête de Metz? Alors, il y a la fête de la Mirabelle, fin août, début septembre. C'est une fête où il y a des animations dans les rues, une braderie, des montgolfières, une fête foraine. Et puis, il y a un petit concert vers la fin, gratuit, et feu d'artifice. Pas mal du tout, cette histoire. Mais dis donc, c'est à la côte, la Mirabelle, là-bas. Hein. Gros moyen. Hein. Et puis, il y a l'élection de la reine de la Mirabelle. Ah bah alors là, tu sais nous faire rêver, toi. Et c'est quoi cette élection? C'est un concours de beauté ou pas ben, du tout? C'est d'accord. Un concours de beauté, mais tout le monde peut participer. Oh, ah, donc si on vient avec Marion, on peut se présenter à la fête de la Mirabelle, à la Miss Élection. L'année prochaine, parce que il faut s'inscrire quelques mois avant. Ah mais ce serait génial, c'est quand? Ben je sais plus, c'est quand les inscriptions, mais l'élection c'est fin août. D'accord, et ben écoute... Après Metz Plage. On va regarder ça. Moi, j'aime beaucoup cette fête de la Mirabelle pour l'instant. Moi, j'adore la Mirabelle en plus. Moi, je note Jonathan, je te garde de côté. Bon. Merci de nous avoir appelés. Jonathan, tu bouges pas de toute façon, parce que tu restes avec nous. Hein. Oui. Allez, bouge pas. Il y a Maxime aussi qui est avec nous de Brest. Bonsoir, Maxime. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Salut Marion, salut Anto. Bonsoir. Ça va, Maxou? Ouais, ça va et vous? Ouais, très bien. T'avais une fête à nous proposer à Brest, toi? Eh ben, moi, c'est la foire aux moules, donc qui se passe à la Nilis. Qu'est-ce que c'est alors? Bah, du coup, c'est on sert en fait des moules frites de 10h jusqu'à 1h du matin. Il y a des concerts, donc jusqu'à 1h aussi. Et du coup, super ambiant. Maxime, est-ce qu'il y a l'élection de Miss Moule? Ah non, il n'y a même pas. Mais tu peux leur proposer, on sait jamais. Mais c'est pas mal, hein, le coup de la moule frite comme ça à volonté, plus les petits concerts, ça passe bien. Super moule en plus. D'accord, bon, bah écoute, on a noté, Maxime, merci, on va voir ce que ça donne. Bon, Maxime, tu bouges pas, hein. Reste avec nous, verdict dans un instant. Il y a Gwen. Gwen, écoute, t'es avec nous du côté de Rouen. Bonsoir, Gwen. Bonsoir, les filles, bonsoir, l'équipe. Salut. Ça va, Gwen? Ouais, ça va, impeccable. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe à Rouen? Alors, c'est dans une commune à côté de Rouen où, en fait, on organise tous les ans avec une asso de cirque une convention qui rassemble les circassiens, qu'ils soient débutants, confirmés ou aussi des familles qui veulent découvrir les arts du cirque. Les quoi? Les arts du cirque. Ah, j'avais compris, les circassiens. Moi aussi. Moi, j'ai compris, oui, les circassiens. D'accord. Non, ça s'appelle des circassiens. Ah, des circassiens. Ah voilà, oui, d'accord. Ça. Ah oui, c'est des démos, en fait. Ben, en fait, il n'y a pas que des démos, puisque tout le monde peut participer. Et en fait, c'est sous forme d'atelier. Et du coup, tout le monde peut tester le trapèze, le tissu, faire du monocycle, des échasses, du casque, du jonglage. Moi, perso, je ne suis pas très acrobate. Donc, Moi, c'est-à-dire qu'en fait... Mais ça t'apprend. Ouais, non, mais moi je pourrais, Gwen, si tu veux, mais ça pue la fracture ouverte, hein, cette histoire. Tu vois. Mais c'est un bon concept. Ça doit plaire aux gamins, ça, en tout cas. Bon, alors. Ouais, et puis il y a des spectacles, il y a des concerts, carnaval, défilé, enfin voilà, des jeux, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. D'accord. Bon, bah écoute, on note, Gwen, les arcs du cirque, tu ne bouges pas, hein, on va décider dans un instant. Avec Marion. Ne quitte pas. Il y a Valentin, il est à Comines. Bonsoir, Valentin. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ouais, salut à tous. Salut. La forme? La forme, comme d'hab. C'est où Comines déjà? Comines, c'est dans le nord de la France, juste à côté de Lille, où vous êtes venu pour le Christmas Tour. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe à Comines? Alors, à Comines, nous, on a la fête des louches. Alors, en fait, c'est un week-end pendant lequel on a un cortège, un marché médiéval, etc., etc. D'accord. Pardon. Et il y a même l'élection de la seigneurie de Comines. Donc, c'est toute une famille qui se fait élire. Donc, ça pourrait être la famille du Night Show. Ouais. Et en fait, la famille parade pour la fête des louches. Et à la fin de la parade, il y a un lancer de louches en bois. 30 centimètres. Le lancer de louche. Est-ce que c'est le truc le plus vendeur du monde? Je ne sais pas. Mais tu sais, moi, déjà, à partir du moment où il n'y a rien à bouffer. Il y a de la bouffe aussi. Si, si, il y a de la bouffe. D'accord. Bon, c'est original. Pourquoi pas, Valentin? Ouais, écoute, ça peut le faire. On note quand même la louche. On n'est pas à fond, mais. On sait jamais. L'élection de la famille du Night Show, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bouge pas, Valentin, reste avec nous. Il y a Loïc aussi de Nîmes qui est là. Bonsoir, Loïc. Salut, Marion, salut, Alto. Salut, Loïc. Alors, Loïc, il habite Nîmes. Qu'est-ce qui se passe à Nîmes dans le sud? Donc, nous, on a les fêtes votives. C'est quoi? Donc, on a les taureaux, les chevaux, on fait des abrivades, des bandides, on lâche les taureaux et les chevaux dans les rues. Pas mal, ça. Un bon spectacle, ouais. Ouais, c'est un spectacle, mais aucun animal n'est blessé, tout ça, hein? Du tout, ah non, du tout. Ça non, va non. Alors. Il y a les férias à Nîmes. Non, c'est pas à Nîmes. Ah oui, il y a les férias, oui. Ah, si, ah bon, il y a des férias, bien à sûr. À Dax, Nîmes, ah, aussi tout ce qui est sud-ouest. Et c'est pas la même chose alors là, c'est une autre fête. Non, non, nous c'est les fêtes votives de village. Mais d'accord. Donc là, Loïc, en gros, on n'a rien à faire. On n'est pas obligé de faire du trapèze, on n'est pas obligé de faire de la rando et tout. Ah, on n'est pas obligé du tout, non. D'accord. Non, on peut danser sur de la musique, venir boire un coup. Ok, et eh ben écoute, c'est noté Loïc, tu sais quoi, tu conserves comme dirait Anso Laïeuve. On va prendre notre décision dans un instant. Anso, je te demande de réfléchir, l'équipe aussi. En attendant, on va se faire le vrai faux du soir sur les fêtes What the fuck dans le monde, ok? Allez, ok, vas-y. Allez. Le vrai faux du Night Show. En Espagne, il existe une fête où on se jette des tomates pourries à la gueule, vrai ou faux? Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Exactement, ça s'appelle la tomatina. Tous les mercredis matins du mois d'août. Hey, Martina. Et sans déconner, on se marrerait pas trop tous ensemble là-bas, quoi. Franchement, on part avec un bus d'auditeurs et on se met des tomates sur la gueule. Ou alors, on peut faire aussi une bataille comme ça ici, hein. Rapport au budget, tout vrai, ça. Franchement, tu vois. Sur la terrasse de fun. Grave, ce serait sympa. De quoi, avec des tomates? Bah ouais, des tomates pourries. Des pourries, ouais, mais vraiment des pourries. Hein. Bah, ah oui. Bah oui, évidemment. Bah alors là, oui, je dis oui. On va y réfléchir. Au Togo, il existe une fête qui incite les ados à se battre entre eux. Les vainqueurs sont ensuite officiellement reconnus comme hommes. Oui. Ah oui, ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça s'invente pas. Mais c'est temps. Des bonhommes là-bas, vraiment. Ah bah là, ils ont pas peur. Effectivement, c'est bien vu de le faire. Sinon, en gros, tu reconnais pas ta virilité, quoi. J'aimerais bien le faire, moi. Chaud, quoi. Bah vas-y. Comment ça, j'ai aucune chance? Bah, y a des mecs qui sont pas spécialement hyper balèzes. Hein. Ouais, bah non, d'accord. Ils ont juste une patate. Et l'espoir. Au Japon, il existe une fête qui célèbre les pénis, fête qui éloigne les MST de la ville. Bah non. Mais non. Et bah si, ça s'appelle le Kanamara Matsuri. Et c'est chaque premier dimanche d'avril. Voilà, une fête des pénis. Mais qu'est-ce qu'il y a des photos de pénis? Alors, je ne sais pas ce qui s'y passe exactement, mais le but étant d'éloigner les MST de la ville. D'accord. Donc je pense qu'ils sortent tous les pénis à l'air. Et ils font des incantations. Au Danemark, il existe une fête pendant laquelle toutes les femmes qui participent n'ont pas le droit de dire non à un homme qui vient l'aborder. Non. Ah ouais, ouais. Ben non, mec, mais à quel moment? Comment tu peux dire oui à et ça, quoi? C'est pas possible. Impossible. Oh, ça va, je rêve un peu. En Angleterre, il existe une fête du bras de fer, mais avec les pieds. Oui, oui. Alors c'est impossible à prononcer, ça s'appelle le World Toe Wrestling Championship. Depuis 40 ans, chaque année, ils le proposent aux JO. Ça, sans déconner, on peut le faire là. Ah ouais, sans grave. Déconner, on peut trop on le va faire quoi. Une vidéo. Ah ouais, ça serait franchement. Énorme. Ouais, on va vous faire ça là, un bras de fer avec les pieds. C'est ridicule. En Roumanie, il existe une fête, la Carglass Festus, qui réunit tous les meilleurs laveurs de pare-brise d'Europe. Oh non. C'est limite raciste. Non. Mais non, c'est une vanne. Mais oui, c'est une vanne, bien sûr. Attends, c'est une vanne, on charrie tous les pays, ça va, la barbe. En Australie, il existe une fête maritime qui a pour principe de boire des bières et ensuite fabriquer un bateau avec les canettes vides. Non. Et si, ça s'appelle la régate de la bière. Ce sera le 17 juillet cette année. C'est sympa, je trouve. Ah, ça doit être chouette, un bateau comme ça, fait de manière canétale. En France, il existe une fête qui célèbre la faune et la flore d'Europe. Ce rassemblement a lieu soit dans la forêt de Rambouillet, soit dans le sourcil gauche d'Amiens. Oh. Et en plus, attendez, faut que je vous explique, auditeur de Fun Radio. Oh là là. Mais quand on fait ces vannes-là, Amir, il ne voit rien venir à chaque fois. Mais non. C'est vrai, il ne voit jamais rien venir. Il sait très bien qu'à chaque fois, on fait une chute sur lui, mais il ne sait jamais quand est-ce qu'elle va venir. Non, mais en plus, souvent, quand vous démarrez la vanne, j'ai un doute. Je me dis peut-être qu'aujourd'hui, vous allez m'oublier. Bah non. Ah bah... Amir, sourcilman de l'émission. Bon, ouais. Les gars, on a 5 auditeurs qui nous ont proposé 5 fêtes. Je récapitule, la fête de la Mirabelle, la foire aux moules. On avait aussi les arts du cirque. Oui, c'est ça. Tout ce qui est fête du côté de Nîmes. Oui, c'est et ça. Et il y en a une autre, je ne sais plus. Et l'autre, c'était la louche. Ah oui, la fête de dans le Nord. Moi j'ai mon chouchou. Hein. Moi aussi j'ai mon chouchou. J'ai eu mon coup de cœur depuis le début. Moi aussi. Et alors, en plus, j'ai mon coup de cœur parce que j'ai envie de participer à cette fête. Moi aussi. Et de m'y présenter. Moi aussi, on a le même. C'est la fête de la Mirabelle. C'est Jonathan. Ouais. Ah bah oui, juste pour l'élection de la Mirabelle et pour qu'on délire à mort pour voir à quelle place on va être, je veux y aller quoi. Alors Jonathan, c'est à Metz. Oui, ouais. Oui, c'est à Metz. Du coup... Ah oui, mais Amir, c'est quand exactement Jonathan? Tu sais c'est pas encore? Il faudra que je regarde et puis après je le dis. D'accord. C'est la fête de la Mirabelle. Hein. Ce qui serait bien, c'est que ce soit, alors s'il y a une saison 2, qu'on le fasse en même temps qu'une petite opération Bahut, un truc comme ça, rapport au coût, tu vois, budgétaire. On va essayer de s'organiser et si c'est en plein été, bah pas de souci, on viendra. Ah bah c'est du. Comme j'ai dit, c'est fin août jusqu'au début. 20 août au 4 septembre. D'accord, et c'est jouable, c'est pas mal, on peut se faire ça. Ouais, c'est pas mal. On va essayer de se faire ça cette année, pas de soucis. Et tu te renseignes, Jonathan, parce que moi, s'il y a des papiers à remplir, il faut se présenter et tout. Ouais. On pose notre candidature, moi je veux être Miss Mirabelle. Ok ? D'accord. Bon, Jonathan, on se voit très vite là-bas, on t'embrasse, mon poulet. Je peux passer une petite dédicace ? Bien sûr, oui. Je passe une petite dédicace à Lucélia. D'accord. Ok, c'est fait. On t'embrasse, poteau. Merci. Bisous. Bisous. Valentin, Maxime, Loïc, Gwen, on vous embrasse les bichons. On n'a pas dit qu'on viendrait pas. Hein. Non. Pourquoi pas ? Mais tout de suite. Pas tout de suite. Donc on vous envoie un pack Fun Radio. Merci en tout cas de nous avoir proposé tout ça. Vous êtes trop mignons. Oui, c'est des beurs. Hein. On vous embrasse très très fort. Et puis dans un instant sur Fun Radio, ne bougez pas. Bon, ce sera un fun, un incroyable talent un peu spécial ce soir. Oui, c'est une spéciale ce soir, mais ça devrait être très très marrant. Donc ne bougez pas, on va tout vous expliquer dans un instant. Ah oui. Et pour le son tout de suite, c'est Galantis. À chaque fois qu'ils sortent un son, à chaque fois c'est énorme. Ah ouais, grave. No Money sur Fun Radio. avant la toute dernière de la saison 1 de Marion et Anso. Ça y est là, il reste quoi, 1h30 d'émission ce soir, demain encore 2h d'émission et après on se quitte. C'est vrai, c'est chelou en vrai. C'est chaud, mais alors si jamais on vous manque trop, que c'est compliqué, que vous êtes mal, triste, tout ça, il y a toujours les chaînes YouTube. Et les podcasts. On va continuer à les alimenter, la Marion et Anso et Marion et Anso Gaming. Sur Marion et Anso, on vous a mis la dernière vidéo avec Kinvey hier. On a trouvé une meuf qui lui fallait. Ouais. Alors je vous dis pas qui, mais elle est blonde, elle est belle, elle sent bon, elle vient de Nantes. Enfin bref, Anso, t'as kiffé quoi. Ouais, c'est ça, elle s'appelle Anso, voilà, c'est ça. Fun. Un incroyable talent. Alors ce soir, c'est quand même un talent un peu particulier, puisque vous le savez, le concept est simple. Vous venez nous montrer vos talents sur l'antenne, et si vous avez la majorité de oui, l'intégralité de oui d'ailleurs, vous pouvez venir tout frais payer dans les studios de Fun Radio. Alors comme on arrive en fin de saison, oui, c'est compliqué. On peut plus s'organiser. Non. Et en fait, on s'est rendu compte que dans notre équipe, nous avons notre stagiaire graphiste. Voilà, il s'appelle Flo, et Flo, il est graphiste, mais surtout, il a très envie de faire de la radio. Donc on s'est dit, on va le présenter à tout le monde, on va le tester comme un vrai auditeur là, qui passe pour animateur radio, et on va voter. Alors qu'est-ce qu'il a à gagner par contre, Flo ? C'est ça la question. Bah, j'ai pas toute notre amitié. Ouais, ou peut-être qu'on peut éventuellement passer sa maquette à la direction si jamais c'est bon. Oui, on peut faire ça. Ah, bah, et d'ailleurs, on va vous mettre des posts sur nos pages Facebook, la Marion et Anso et Twitter. Vous allez pouvoir réagir vous aussi, nous dire ce que vous pensez de Flo. Alors, Flo, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va ? Est-ce que déjà tu as passé une bonne saison avec nous ? Est-ce que tu as kiffé ? Ah, une excellente saison. Franchement, je crois que c'est le meilleur stage que j'ai jamais fait. Je crois, mes potes, ils sont tous jaloux en fait. Il essaie d'amadouer le jury. Ouais, c'est ça. T'as vu ou pas ? Ouais. Bon, du coup, t'as déjà fait un peu de maquette, t'es déjà entraîné un peu de ton côté. Ouais, un peu. Mais tu sais que chez nous, c'est un peu différent. On fait pas que de la radio classique. Il y a des radios avec des défis, tout ça, quoi. J'ai très très peur. Tu peux. Est-ce qu'on commencerait pas par un jingle classique comme d'hab, un petit Fun Radio, ils vont la musique, tranquille. Tout à fait. T'es animateur sur Fun Radio, Flo. Ouais. C'est à toi, c'est parti. Fun Radio. Le son dance floor. Belle après-midi sur Fun Radio, les 40 minutes de son dance floor non-stop qui redémarre dans quelques instants avant l'arrivée de Marion et Anso. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur funradio.fr. Ils ont reçu Kinvey hier soir et c'était plutôt pas mal. En attendant, nous, c'est le son dance floor qui continue jusqu'à 20h avec le son de Deoro. On écoutera Cachemire et puis Julianne Peretta, c'est I Cry. I Cry. Ah oui. Voilà. Ah, c'est pas mal, I Cry en français. Alors, I Cry, tu vois, l'anglais, c'est. Bon, alors, petit stress, hein, forcément, ouais. Petit stress. Alors, par contre, c'était pas plutôt pas mal, c'était excellent. Non, ah, mais c'est vrai, il a dit. C'était plutôt pas mal, t'es fou, toi, c'est excellent. Non, mais par contre, sa prestation était plutôt très bien. Hein. Oui, plutôt pas mal. Ouais. Bon, c'était bien, on va voir ce que ça donne. On t'a préparé alors deux nouvelles radios et deux qu'on avait déjà fait, mais c'est nos préférés. On commence par laquelle, Anso ? Oh, bah, on va commencer par celle qui me correspond pas trop mal, Radio Apéro. Ah, du coup là, il faut que tu la joues en mode Bourras, hein, t'as compris. Ouais, ça. Alors, devrait. Autant j'ai confiance en Flo sur l'animation classique, autant sur la comédie. Ouais. Je suis pas hyper à l'aise. Moi non plus, j'ai un peu peur, mais on va voir. Hein. On va voir. Si tu supportes pas long, écoute Radio Apéro. Salut la compagnie, comment ça va ? On est sur Radio Apéro, la radio des gens qui aiment les cacahuètes et. Et le mojito. Plus de 40 minutes de son alcoolisé. Et puis, tout de suite, c'est l'intégrale de Renault. Ah ouais. Beau gosse. Ouais, pas mal. Le but d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, mais il tient bien, le mec un peu bourré quand même. C'était pas dégueulasse. C'est vrai. Ouais, par contre, on dit plus salut la compagnie. Non, non, ça, même sur Radio Apéro, c'est pas possible. On enchaîne avec TBFM. Alors là, ça va être en mode cagole, mais c'est compliqué pour un mec. Les fautes de français. Enfin, le mec un peu bébête, quoi. Okay, ok, ouais, bon, ça j'ai plus l'habitude. Ouais, on va le faire. Eh, V pour vert. TBFM. TBFM. Kikou les cassos, c'est Brian sur TBFM, la radio de ceux qui croivent que le Becherel c'est une sauce pour mettre sur les endives, comme moi d'ailleurs. Et puis dans quelques instants, on va écouter Nice Van Zandt, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est tout de suite sur TBFM. Moment très gênant. Voilà. Non mais alors déjà, laisse les Brian tranquilles. Pourquoi tu t'es fait appeler Brian là ? Je sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu. Ça marche. Désolé, c'est les bien, Brian, tu vas pas du tout nous mettre des gens à dos. Non, alors celui-là je te le prends pas, c'était de la merde. Hein. Bon, tu sais quoi, là tu vas te coller à Radio Tourette. Ah oui, on adore. Okay. Alors, pour ceux qui connaissent pas le syndrome de la Tourette, en gros, tu balances des insultes et des cris. Voilà, c'est une vraie maladie, donc c'est pas drôle du tout. Il y en a qui ont ça, mais l'effet est parfois un petit peu marrant parce qu'évidemment, il y a des insultes à gogo. Voilà, c'est ça, à gogo. Voilà. Radio Tourette, chat. Radio Tourette, but, salope, couille, bite. Vous êtes toujours sur Radio Tourette, la radio qui pute. en douceur, voilà. Tout à l'heure, merde, on fera gagner une PlayStation 4 dans le pourquoi tu sus. Et puis, le son, oh là là, le son qui passe maintenant, c'est David Guetta, mère la pute. Ah ouais, pas mal. Ouais. Voilà. Ok, wow. C'était de la grosse tourette. Hein. Le pute était un peu en trop. Ouais, un peu. En même temps, c'est... on lui a demandé quand même, donc non, c'était pas mal. Alors attends, est-ce que le dernier, il est gratiné. Le dernier, ouais. C'est une nouveauté du Night Show et je le sens bien celui-là. Ouais, c'est Gang Bang FM. En gros, tu dois faire de la radio en plein acte porno et là, je suis très gênée, je vais m'éloigner même. Ouais, allez, je te regarde de loin. Ouais, je vais partir, je vais fuir. Gang Bang FM. Gang Bang FM. Oh non. Bonjour mesdames, c'est Pascal au bout de ce long et gros micro. Vous la sentez cette grosse voix, c'est la mienne. Je vous offre un iPad 64 gigabits et c'est plutôt gros. Et pour ça vous envoyez iPad par MST par SMS. On revient juste après le tube de Rihanal. Ah ouais. Alors, donc on s'était préparé ça un peu. Hein. Tous les acteurs porno sont italiens. Non mais excuse-moi, est-ce que tu as été de mèche avec notre auteur avant pour avoir Non mais oui, parce que genre il sort des jeux de mots comme ça. Parce que nous on connaît Flo dans le bureau, c'est pas le pro non plus de la vanne. Parce que Rihanna là, à aucun moment il aurait sorti. C'est impossible. Tricheur Rihanna, que tu es. Ouais. Bon, en tout cas, il s'en est plutôt pas mal sorti. Franchement, faut le faire quand même. Ouais, c'est pas facile. Je suis pas sûr que nous on aurait été bon. Quelqu'un veut se tenter une radio là dans l'équipe ou pas ? Oh, mais quelqu'un va faire Gang Bang FM. Amir. Il gagne quoi ? Amir. Alors attends, Amir. Ou Mano. Ah, Mano. Ça peut être drôle. Mano. Allez, Gang Bang FM, c'est pour toi. Je suis pas sûr de pouvoir parler. Vas-y. Gang Bang FM. J'adore ça. Et bienvenue sur Gang Bang. Pas mal. Donc le gap est bon pendant. C'était court. Hein. D'accord. Bon, écoute Flo, on peut pas évidemment t'offrir ta venue ici puisque t'es déjà là. Mais en tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour donner ta maquette à la direction de Fun Radio. Ouais. Ça peut être sympa. Et puis éventuellement, qu'est-ce qu'il peut gagner d'autre, le pauvre Flo là ? Bah un pack Fun. Un pack Fun Radio, une Merci dédicace beaucoup. De l'équipe, tout ça quoi. Super, j'en avais pas. Allez, jugement. Enzo. Oh oui, la bébé. Manuel. Oui. Amir. Bah oui. Anso. Oui. Marion. Ah oui. Bravo. Tu repars avec ton pack Fun Radio, avec ta capote dedans et des t-shirts Fun Radio. Voilà. Et bah si jamais on peut te retrouver sur l'antenne de Fun, peut-être en local ou autre, ce serait cool. En tout cas, bonne chance à toi Flo. Hein. Eh ben merci. Et puis merci. Pour ceux qui veulent l'écouter, il a un compte SoundCloud, en fait, le mec, ouais. Et il a mis toutes ses maquettes. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Florent, F-L-O-R-A-N. Ouais. Voilà. Ils se sont trompés à la naissance, ils ont mis A-N. Ouais, oui. Bonne continuation, Bichon. Merci beaucoup. T'étais au top cette année, en tout cas, bravo. Merci. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on voulait parler d'un instant beurre sur lequel on est tombé avec Marion tout à l'heure dans le bureau. On est tombé sur une vidéo d'un mec, vous l'avez forcément vu, un mec qui sauve un dauphin qui s'était échoué sur une plage. C'est un bébé dauphin, en plus, il est tout petit de beurre. Et il le rejette comme ça dans la mer et il part comme ça et le dauphin lui fait coucou, un clin d'œil en l'appelant papa. Mais c'est beau parce que d'habitude tout le monde fait des selfies, voilà, il y aurait eu un dauphin, tu sais, les gens en auraient profité pour faire des photos, tout ça. Lui non, il a vraiment été dans l'action, il l'a direct remis et du coup il était sauvé. Ouais, on a trouvé ça hyper mignon, donc on s'est dit, est-ce que parmi vous, auditeurs de Fun Radio, vous êtes des héros et des héroïnes ? Est-ce que vous avez déjà sauvé la vie de quelqu'un, d'un animal ou d'une personne vivante que vous pouvez toucher, avec qui vous pouvez communiquer ? Et on a eu des histoires de ouf à venir avec de vrais héros, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. 01 42 48 5000, c'est le numéro pour nous appeler et en plus c'est gratuit donc c'est pratique. Et tout de suite c'est le double Sean, Jason et Sean Paul sur Fun Radio. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying baby you won't ever forget my love. Figure 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the yell like Cassie and Diddy. Me now want them, I watch me like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, would I be a pity. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you dip on me mind. So me want you forgive. C'est Marion et Ansel Night Show. On est en direct là pour l'avant-dernière de la saison. C'est un truc de ouf. Merci d'avoir été avec nous pour cette saison. Franchement, on a kiffé. Merci à ceux qui nous ont écoutés là, malgré les cours, les examens. Merci à ceux qui nous ont écoutés pendant qu'ils bossaient sur la route. Tout le monde, on vous fait des gros bisous et on espère revenir vraiment pour une saison 2 et continuer à partager cette aventure. Et merci à tous de votre soutien pendant toute cette période qui était difficile de découverte de diabète. Oui. Et merci surtout à vous tous de m'avoir encouragé à trouver un mec, car je n'ai toujours pas de mec. Bon, en tout cas, avec Marion, on avait envie de parler de gens qui ont sauvé des vies. C'est ça. On avait vraiment envie de se faire ce dossier. Voilà, vous qui êtes des héros, des héroïnes, si vous aviez déjà sauvé des vies. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Marion, par exemple ? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un héros. D'accord. Mais faut pas me colle à la peau. Oh non. Alerte ringard. Merci, hommage. Non, mais non, honnêtement, je vais pas t'inventer un truc. J'ai déjà aidé des gens, j'ai déjà aidé des copines dans la détresse. Voilà, mais sauver vraiment la vie de quelqu'un, à proprement parler, non. Toi, oui ? Bah, moi, non, j'ai jamais sauvé la vie de personne, mais j'ai déjà sauvé la vie de Wacha, mon chat. Puisque un jour, je lui ai donné un bout de jambon, puis elle a failli s'étouffer avec cette conne. Bon, t'aurais dû la laisser crever, ça nous aurait arrangé, ça aurait évité tous ces. Pardon, c'est ma fille. Pardon, mais tu lui donnes du jambon à ta fille. Non, mais j'ai un bout de jambon, un bout de gras de jambon qui est tombé par terre dans ma cuisine. Elle l'a mangé, il était un peu trop long pour elle. Et voilà. La catastrophe, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Bon. En tout cas, vous dites-nous, là, 01 42 48 5000. Je vous casse pas qu'on a déjà bossé le dossier. Ouais. On a déjà des héros. On a notamment une histoire de ouf. Oui, Amir. Alors, moi, je pense que ça va impressionner tout le monde, mon histoire. Bougez pas. La tienne ? Ouais. Tu crois vraiment que les gens vont rester pour ton histoire ? Eh ben, t'as raison. Parce que... On revient tout de suite. Les plus grands DJ Fun Radio. Passe l'été avec vous dans les meilleurs clubs de France et dans des festivals internationaux. One, two, three, let's go. Avicii. Salut, c'est David Guetta. DJ Snake. Martin Solveig. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. Showtek. Axwell Ingrosso. Tiesto. Et bien d'autres. Retrouvez-les à l'Electro Beach Music Festival. Electro Beach. Tomorrowland. What's up, Tomorrowland? À l'Amnésia au Cap d'Agde. Et dans les soirées Party Fun Club. Ça va être énorme. Les plus grands DJ de la planète sont avec vous cet été avec Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Come on. Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun. This is what you came for. Fun. Radio. Fun. Les sons Dance Floor. Le Night Show de 22h à minuit. The Night Show. Radio. 22h51, c'est Marion et Enzo effectivement, et là gros dossier dans le Night Show puisqu'on a envie de parler de vous tous là, ces héros qui avaient déjà sauvé la vie de quelqu'un ou quelque chose. Ça peut aussi être un animal. Voilà, c'est ça, comme moi, j'ai sauvé la vie de ma chatte. Voilà. Et voilà, on peut pas dire ce mot. Ça fait toujours rire. Bah oui, forcément. Alors on s'est quitté sur le teasing d'Amir qui soi-disant a sauvé la vie de quelqu'un. On t'écoute Amir, raconte ton histoire. Alors un jour, j'étais en train de nager tranquillement, et là j'ai vu une petite qui, je pense, il me semble, était abandonnée. Enfin abandonnée. Ses parents l'ont pas surveillée. Ah oui, c'est pas pareil. Hein. Ouais, ouais. Non mais je veux dire, ils l'ont abandonnée. Enfin ils l'ont perdue de vue quoi. Ouais. Et elle était en panique totale dans l'eau. D'accord. Et donc moi j'ai vu ça et je suis parti la voir et je l'ai attrapée et je lui dis, elle est en train de pleurer. Et du coup je lui dis, t'inquiète, panique pas, accroche-toi à moi. Sauf que elle s'accrochait tellement, du coup c'est elle qui me noyait parce qu'elle me poussait quoi. Mais du coup je l'ai sauvée puisqu'après je l'ai emmenée jusqu'au bord et elle m'a fait un bisou. Elle savait pas nager. Non. Moi je suis sûre que tu l'as sortie du pédiluve. T'es un gros mytho. Ah ça c'est vraiment un mot horrible, pédiluve. Hein. Ouais, bah le concept est horrible d'ailleurs. C'est crade. Non, mais vraiment je l'ai aidée. Enfin, elle allait se noyer. Je pense que allez 5 minutes de plus et la fille elle était en panique et puis. D'accord. Ça, franchement, je suis fière de toi. Ouais, bravo. Ouais, avoue, tu l'as ramenée à grands coups de sourcil. Elle s'accrochait dessus, tu sais, comme des bouées. Non, mais après, elle est partie vers ses parents et je pensais qu'elle allait leur dire, genre, j'ai failli mourir et tout. Et elle a rien dit, du coup, ses parents m'ont rien dit. Bah, tu t'attends à quoi? À ce qu'ils te fassent un chèque? Bah, oui. Oui. La moindre des choses. Ouais, quoi. Ouais. Bon, et franchement, on a un héros dans l'équipe, je suis assez fière. Hein. Bah oui, c'est moi. Oui, oui, oui, c'était pas mal, c'est vrai. Bah attends, c'est vachement bien. Mais Mano, il a rien sauvé, lui. Alors moi. Non, je crois pas. Jamais rien. Bah, enfin, une fois, j'ai écouté tout l'album des frérots de la Vega. Mais mec, si. Là, t'es un vrai héros. Bravo, bravo, bravo, Mano. Bravo, Mano. En plus, moi, j'aime bien les frérots de la Vega. Bon, mais bah, oui, ça veut dire que Amir est le seul héros bien de sûr. Cette équipe. Ouais. Franchement, t'es fort. Enzo, standard, t'as sauvé personne, toi. Si, la sœur d'Amir, à un moment. D'une abstinence sexuelle. Ouais, voilà, vous voulez sortir avec moi, je lui ai dit non, quand même pas. D'accord. D'accord. Il est pas content, Amir, là. Bon, il y a Florian de Marseille Carriel, qui nous a appelé. Ouais, salut la famille, vous allez bien ? Bonsoir, Florian. Ça va et toi ? Salut, vous allez, ça va, merci. Alors, toi, t'as 23 piges. C'est ça. Et qui est-ce que tu as sauvé et de quoi ? Moi, c'était au premier repas avec la belle famille, il y a quelques mois de ça. Mm-hmm. Et le papy, bon, on était à l'apéro, le papy un peu ambiancé, il a pris quelque chose de travers, je sais pas, une olive ou quoi. Et du coup, bah, j'ai fait une petite technique, je sais pas si vous le savez, vous êtes déjà dû voir dans les films, là, on se met derrière la personne et on appuie, je pense, sur son ventre, là. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, il a recraché le bout de pain, j'étais le plus heureux du monde. Ah, ça marche vraiment alors ça. Mais attends, ouais, mais tu venais de l'air. Ouais, mais ça marche si on sait le faire. Parce que si t'appuies n'importe où, t'as quand même un impôt. Ah, faut pas appuyer au mauvais endroit. D'accord, et du coup il était content, il t'a remercié, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, du coup j'étais super content, le repas s'est terminé, le problème c'est qu'il s'est fait renverser par un bus deux jours après quoi. Mais non, non. Arrête. Non, je déconne. Ah, tu m'as fait peur. Ah, horrible. D'accord, et ben franchement chapeau parce que moi je pense que je paniquerais, je sais pas si j'arriverais à bien le faire, tu vois. Bah non, ça, tu te mets, je te dis, pour un petit cours en vitesse, tu te mets entre le plexus et le nombril et t'appuies très fort. Ouais, mais déjà, le plexus, moi, je sais pas où c'est. Moi non plus, j'aurais vu ça dans le genou, moi. Mais attends, mais Florian, ta belle famille, du coup, t'as dû trop te la mettre dans la poche. Bah ouais, mais après, j'ai fait des conneries, du coup, c'est un peu plus froid, quoi. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as trompé ta meuf ? Ouais, des bêtises de jeunes. Tu crois que tu donnes des cours, plein de sources, c'est plus ça. Bah, je sais pas si c'est la mieux placée. Non, peut-être plus Marion, effectivement. Non, mais bon, bah, c'est pas grave, ça s'est arrangé avec ta meuf et tout. Oui, oui, ça bon. S'est arrangé, ouais. Et bah, tout va bien, petit sauveur. Florian, tu es notre héros. On t'embrasse. Ouais, vite fait. Bonne. Et on embrasse bien sûr tous les plexus qui nous écoutent. Bisous, la famille. Ah, une dernière question, par contre, est-ce que vous êtes content d'être là ? On est content d'être là ! Merci beaucoup à tous. Bisous, Flo. Salut. Ciao. Il y a Kevin aussi de Paris qui est avec nous. Bonsoir à toi, Kevin. Salut l'équipe. Ça va, Kevin ? Ça va et vous ? Ouais, très bien. Est-ce que toi, tu as déjà sauvé quelqu'un ? Oui. Alors, raconte. C'était pendant les vacances. On était avec des potes. Et on avait loué dans une petite résidence avec plein d'appart et tout ça, où il y avait des ateliers dehors dans la résidence. Il y avait des piscines et tout ça. Mmh. Et donc, du coup, on était dans l'appart avec mes potes et tout ça. On prenait un petit apéro vers le midi. Mmh. Et on commençait à entendre crier tout ça et qui s'est tapé dans l'eau tout ça. Et du coup, on s'est mis à la fenêtre tout ça et il y avait un petit dans l'eau qui était en train de se noyer. Oh le pauvre, ouais. Et du coup, moi j'ai sauté par le balcon là et je suis couru dans la piscine pour attraper le petit. C'est horrible. Et quand je suis arrivé là-bas, il y a son daron, il était en train de dormir, soleil tranquillou. Mais quelle inconscience! Non mais sans déconner. Carrément. Faut faire hyper attention là avec les beaux jours qui arrivent, les piscines, il y a les noyades. Franchement, faut faire vraiment gaffe. Bah oui, je sais bien, mais bon, qu'est-ce que je te dis à ça, moi. Il y a plein d'histoires comme ça. À chaque fois, les parents, après, ils s'endorment. Bon bah voilà. Ouais, j'ai envie de dire ça. Les mecs qui se mettent au soleil, ça y est, ils oublient tout. Non, mais il faut jamais laisser un môme sans surveillance. De toute façon, ça c'est sûr. Ah. Et du coup, toi, tu l'as sorti, et il allait bien, il avait pas de l'eau dans les poumons, tout ça. Non, il allait bien, mais après, il s'est embrouillé avec son daron, quoi. Ouais, forcément. Bah oui. Mais il t'a même pas remercié, si ? Non, bah non, enfin, ils s'en foutaient, c'était les vacances. Oh, on est sur quelqu'un de très responsable. T'es sûr que c'était son père ? D'accord, bon, bah écoute, si ça a bien fini, tant mieux. Kevin, merci de nous avoir appelé, tu es notre deuxième héros de la soirée. Oh. Bisous, kéké. Allez, bisous, ciao. L'équipe, je vais vous poser des questions, vous allez me dire si vous le feriez ou pas. Soyez honnête, c'est tout ce que je vous demande, ok ? Sauver quelqu'un d'un lac gelé. Quelqu'un qui tombe dans un lac gelé, est-ce que vous y allez ou pas ? Bien sûr. Attends, mais comment tu le sauves ? Bah, c'est ça. Il faut sauter dedans à ton tour, quoi. Tu meurs ? Bah, voilà. Bah non, s'il est pas trop loin. Bah, c'est chaud. Alors, un lac gelé, ça veut dire que c'est cassé ou c'est juste gelé ? T'as vraiment cru que j'avais élaboré ce jeu à ce point-là ? Amir, le relou ! Relou, quoi. Est-ce que juste tirer ou pas ? Non, mais juste. Est-ce que c'est cassé, il y a un trou et il y a de l'eau en dessous ou alors tout est brisé et tu peux nager ? Bon, bah, qu'est-ce qui t'arrange ? Eh bah, que ce soit un peu brisé. Voilà, c'est brisé. Eh bah, à ce moment-là, non. Parfait. Sauver un chien d'une maison en feu. Ah oui, j'y vais. Ah non, mais moi, je suis trop bird des animaux. Oui. Ouais. Avec Enzo, on est horrible parce que ça nous fait encore plus de peine, genre dans les films, quand un animal décède plutôt que quand c'est un humain. Je te jure. Alors, vous, auditeurs de Fun Radio, si vous voulez pleurer devant un film, regardez le film Hachi. C'est un enfer de larmes. Ah voilà. Ouais, à cause du chien, j'ai pas vu moi. En fait, c'est l'histoire d'un chien, c'est une histoire vraie en fait qui se passe au Japon. C'est un chien qui a été adopté par un maître. Le maître meurt, mais il habite pas dans la même ville, il travaille dans une autre ville. Et donc le chien va l'attendre toute sa vie à la gare, pensant que son maître va revenir. Oh, burn. Et il y a une statue dans cette gare d'ailleurs, à l'image de ce chien. Mais tu pleures, mais genre. Ouais, horrible. J'irai jamais le voir. Traverser une autoroute pour aider un motard qui vient de tomber. Bah oui, c'est hyper dangereux. Hein. Non, t'appelles la police en fait. Ouais. Moi, je suis un motard, donc je vais le sauver. Bah oui, mais d'accord, mais tu peux te faire écraser à ton tour. C'est hyper dangereux. 3 secondes d'espérance de vie sur une autoroute. Celui-là, je suis curieuse d'avoir votre avis. Sauver votre mec ou meuf de l'eau avec plein de requins autour. Genre, vous êtes dans le bateau, elle est à l'eau, et là, il y a des requins autour. Est-ce que tu sautes ou pas? Attends, il y a une galère. Moi, je me dis solidariste, j'ai pas de mec. Non, mais il y a une galère. Tu sautes dans l'eau parce que quoi? Parce pour la ramener. Ouais, mais elle arrive plus à nager? Oui. Ah! Ah, faut y aller quand même. Ouais, elle est pas déjà croquée. Et genre, il y a pas de bouée, tu peux rien lui envoyer quoi. Faut y aller. Bah, je me dis, soit il y a un mort, soit il y en a deux. Oh non, t'es dur. Non, moi j'y vais, rien à foutre. Tu tirais? Bah, moi je suis fan des requins et j'ai l'impression qu'ils m'attaquent pas. Donc... elle est con, elle. Vous coupez un bras pour aider un proche qui meurt de faim. Mais genre voilà, on vous dit un peu comme dans un film d'horreur. Attends, écoute, t'es dans un dos, t'es séquestré par un tueur en série. Et là, t'es séquestré depuis des jours. Et là, le mec te dit la seule solution pour vous nourrir, c'est de couper un bras. Et du coup, sinon vous décédez tous les deux. Non mais personne ne vit dans un film d'horreur, Marion. Ça existe mais pas. Mais imagine, tu le fais ou tu meurs. Mais non, mais je crois que je suis pas capable de me couper un bras. D'accord. Bah, et dans le film, c'est quoi 48 heures, il le fait bien. Non, c'est 72 heures. Ouais, c'est 72 heures. Enfin, c'est plusieurs heures. Le mec, en fait, il est coincé, c'est ça, dans un gouffre. Et pour s'en sortir, il est obligé de se couper le bras. C'est horrible et c'est une histoire vraie. Oui, mais c'est pas pour donner à manger à un proche. Non, certes. Venir en aide à un pote qui se fait frapper par 8 mecs hyper balèzes au risque de terminer à l'hôpital. Ah oui, moi j'y vais. Ouais, j'y vais direct. Ouais. Enfin, j'y vais, je me dégonfle à 100 mètres. J'y crois pas du tout. Hein. Rentrer par effraction dans une maison avec des grandes armées pour sauver un proche d'une soirée avec Mano. Ouais, d'accord, ouais, on y va tous. Ouais. Sauver Amir qui s'est pris de l'acide sur la gueule en lui léchant les sourcils. Moi, je lui lèche pas les sourcils. Ah non, ça, j'y vais pas. Ah si, moi, j'y vais parce que c'est mon miroir. Ah bah, j'imagine la selle d'un coup. C'est horrible. Ah, lèche-lui le sourcil pour voir. Non, arrête. S'il te plaît. Non, je vais. Oh, s'il te plaît, ça va pas, non. On filme en plus. Amir, il me regarde genre. Viens, mais. S'il te plaît, en plus, on filme, c'est drôle. Non. Lèche-lui le sourcil, Anso. Oui. Vas-y, va le chouiller. Il s'approche, Amir Ladel. Allez, non, vas-y. Fais un bon zoom pour la caméra, Florent. Une vraie léchouille, hein. Allez, on prend la photo. Si, vas-y, Anso. Mais vous vous rendez compte que c'est hyper humiliant, même pour toi, Amir, enfin. Non. Mais Anso, tu vas voir, en plus, il a les sourcils. Attends. Qui sentent. Tu me dis si ça a un goût. Attends. Mais pourquoi on fait ça? On est ridicule. Oh là là, allez. On a 14 ans, quoi. Vas-y, lèche-moi les sourcils. Ah, ça y est, elle a fait la petite léchouille. Bon, alors, c'est pas désagréable. Bah, tu vois, bah, c'est des poils, quoi. C'est doux. Ça a goût de rance. Il y a de la vie là-dedans. Hein, et on me fait signe aussi que c'est pas 48 heures, 72 heures, c'est 127 heures. Ah oui. Sinon, oui, ça serait découpé le bras très vite. Hein. Oui, c'est vrai. 127 heures, le film. Bon, il y a Patrick aussi de l'Orgue qui nous a appelé. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Ça va, Patoche? Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah pour moi, il s'est passé qu'il y a un petit jeune qui s'appelle Dominique qui m'a sauvé la vie. Ah, ouais. Quoi, comment, dis-nous tout. S'il avait pas été là, bah aujourd'hui je serais pas là, quoi. Il a fait quoi? Bah il m'a fait des massages cardiaques sur un chantier. Je suis tombé d'une échelle. Bah je suis pas tombé d'une échelle, je suis descendu de l'échelle et arrivé en bas, bah je me suis écroulé. Mais t'as fait quoi, un arrêt cardiaque? J'ai fait un arrêt du cœur, ouais. Ah merde. Spasme nerveux. Oh. Je suis tellement nerveux, je fais des spasmes nerveux, donc. Mais tu sais, d'où l'utilité de connaître les gestes de secourisme comme ça, parce que c'est hyper important. Voilà. Mais je le connaissais même pas, ce petit gars. Et lui, il l'a fait comme ça, il est venu vers toi, il t'a fait un massage. Automatiquement, d'après ce que je me rappelle, puisque ce que je me rappelle pas, puisque de toute façon, j'ai aucun souvenir. Et du coup, après, t'es revenu à toi tout de suite? Non, apparemment je suis resté jusqu'à temps que les pompiers sont arrivés, il a pas lâché. Ah, c'est beau. Le SAMU est arrivé et ils m'ont emmené. Mais et t'imagines. Quand ils m'ont emmené, pour lui c'était fini, quoi, on va dire. Et après, arrivé à l'hôpital d'Amiens, j'ai refait un arrêt du cœur. Oh, mais du coup, quand t'as fait ton arrêt du cœur, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans ce moment-là? Non, pas du tout, j'ai perdu 3 semaines de ma vie. Ah, ah ouais, tu te souviens plus de rien. C'est fou ça. Oui, en plus, on rentrait de vacances et tout. Donc, j'ai repris le boulot le lendemain et je me rappelle même plus de mes vacances. Je me rappelle plus de rien. Après, s'il y a que ça, c'est pas trop grave. Ah, oui, c'est un peu con, oui. Mais bon, pour parler de Dominique, franchement, bah, j'y dois la vie, quoi. Mais alors, est-ce que t'as gardé. C'est plus qu'un héros. T'as gardé contact avec lui? Ah, toujours. Toujours. C'est mon fils, quoi. Ah, c'est beau. Quel âge il a, Dominique? Pardon? Quel âge il a, Dominique? Je ne sais pas exactement quel âge il a. C'est vrai que je me suis pas posé la question. D'accord. Et Enzo, ouais. Enzo au standard nous dit que tu voulais éventuellement l'appeler pour le remercier. Ah bien sûr. Là en direct. Ah bien sûr, pourquoi pas. Oh ça va être bien. Je peux le remercier jusqu'à la fin de ma vie. Hein, ah c'est trop mignon. Eh ben, vas-y. T'imagines quand même le bol. Toujours en contact. Hein. T'imagines quand même le bol de tomber sur quelqu'un qui sait faire le massage cardiaque. Enfin faut être. Bah après faut le tenter quoi qu'il arrive. Allô. Ah, oui. Dominique. Salut. Ça va mon loulou? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Comme tu vois, on est à la radio. Hein. Bah ouais, ouais. Salut tout le monde. Salut. Salut Dominique. C'est trop mignon. Ouais, vas-y. Ah ouais, c'est mignon. Bah ouais, comme je vous l'ai dit, hein, j'y dois la vie. Hein. Et j'y dois la vie, il peut venir quand il veut, les clés de chez moi, il peut faire ce qu'il veut. Oh. Et on est à 1000 km l'un de l'autre, mais demain il m'appelle, il a un problème, je monte tout de suite. Oh, ben... Comme je dis, on est à 1000 km l'un de l'autre, mais on est près du cœur. Oh, ouais, alors eux, hein. Oh non, ah, ça c'est bon. Pour moi maintenant. Et Dominique, on se demandait quel âge tu as. J'ai fêté mes 33 ans le 19 juin. D'accord. Ouais. Et alors, comment t'avais appris à faire des massages cardiaques? Par en fait, on a eu un. Comment à l'époque, j'étais un peu au lycée, enfin en formation, et on a eu une formation. Dominique, c'est le seul gars qui est un peu au lycée. Ouais, t'avais vu la formation classique, quoi. Comme quoi ça sert. Ouais, la formation classique, puis tu te dis, bah, en formation, tu te dis jamais ça va te servir. Jamais ça sert. Tu te fais en plus la gueule à dire celui qui va faire du bouche à bouche ou quoi, mais. Et en fait, moi, ça m'est arrivé un mois et demi après. Ah, c'est beau. Tu sais quoi, on va t'applaudir. Bravo, t'es un héros. Bravo. Dominique. Bravo, Dominique. Je t'aime. Je t'aime. Franchement, bravo, vous êtes trop mignons, trop touchants tous les deux. C'est une bien belle histoire. Ah ouais. Et je vous dis, il restera pour ma vie. Hein. Oh, ouais. Moi, c'est pareil. Et pour le coup, pareil. Et puis, enfin voilà, moi, puis le souvenir que j'ai maintenant, c'est sa petite femme qui fait du bon cassoulet. C'est pas un gâteau, c'est un café au lait. Non, pas un café au lait. Amir, c'est pas un café au lait, c'est un cassoulet. Non mais c'est, enfin franchement moi Patrick il restera pareil tout le temps avec moi 365 jours par an. Bah vous êtes trop mignons tous les deux et vous savez quoi, on vous embrasse très très fort. Big up. Merci de nous avoir appelé, c'était hyper cool de vous avoir. Par contre Anso et Mario, vous savez que vous avez quand même 4 héros à côté de vous quand même. Et qui? Bah Amir. Ouais. Le mini Jeff. Ouais. Le petit gars Larea. Ouais. Mano. Parce que, putain, faut vous supporter, les filles. Hein. Oh, dis donc. Tu sais quoi? Là, je t'aime, t'es un héros, toi. N'importe quoi. Et Dominique, c'est con, parce que je voulais t'offrir des litres de cassoulet, bah tu vas te les foutre dans le fion. J'ai du cassoulet, moi, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, je suis confiant à 200%, vous êtes là à la rentrée. Oh, ah, t'es trop mignon, Dominique. Merci. On vous embrasse très fort, les gars. Bisous. Merci à vous, bisous. Ciao. Oh non, mais c'est franchement des instants bœufs comme ça, moi j'en voudrais tous les jours. Hein. Ah, je les adore, les deux là. Moi, ouais, franchement, c'était cool. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Vous gagnez vos enceintes Bluetooth. Et on se retrouve juste après The Chainsmokers tout de suite. C'est dans Let Me Down sur Fun Radio. Quoi, il rigole. I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Fun Radio. Vous écoutez Marion et Anso, c'est le Night Show. Et profitez de nous puisque nous sommes encore en direct avec vous ce soir et demain soir. Oui, c'est ça. Demain soir, c'est la dernière de la saison avant les vacances. Reviendrons-nous ou ne reviendrons-nous pas? Eh bien, vous le saurez demain soir en écoutant le Night Show. J'aimerais saluer tous les garçons qui nous envoient des snaps aussi. Marion, t'es la première à dire qu'on reçoit des snaps de Tub. Oui, c'est vrai. Alors là, la Tub a déserté. Complètement. Hein, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, vous en remercie. Mais alors, je sais pas, mais moi, j'arrête pas de recevoir des snaps de pieds. De pied ? Ouais, de pied. Ah non, pas moi. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que vous m'avez mal comprise. Moi, je préfère les tubs. Hein, donc, reprenons hein, tout ce qui était avant et suivez-nous sur le snap de l'émission Marion et Anso. On va pas arrêter d'en faire ce soir. Pourquoi tu m'appelles ? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con ? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Est-ce que vous aimeriez bien que cette rubrique revienne l'année prochaine si saison 2 l'y a ? Oui ! Bah ouais, c'est même, une question hein. Qu'on vous pose, les auditeurs, vous nous dites là, mais c'est pas vous l'équipe hein, que je vous demande. Ah, non, non. Marion et Anso, funradio.fr, du pourquoi tu m'appelles, est-ce que vous en voulez ? On est là pour vous, on peut aussi innover quoi. Ouais, complètement, on peut réfléchir pendant les vacances. Et surtout, vous gagnez du cadeau, ça c'est cool. Et ouais. Cette semaine, c'est des enceintes Bluetooth. Tout à fait. Pratique quand on part, tout ce qui est en pique-nique ou à la plage. Hein, voilà. Bien sûr. Et à la montagne, si on préfère les vacances à la montagne. Certes. Wendy d'Orléans est avec nous. Bonsoir, Wendy. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Bonsoir. Ça va, Wendy ? Oui, ça va. Alors, Wendy, on est en vacances ? Comment ça se passe ? Non, je suis pas en vacances, je suis chez moi. Ah bon ? Et tu fais quoi ? Bah, moi j'attends. On m'a appelé pour commencer à travailler mardi. Ah, dans quoi ? Dans la restauration. D'accord, ok, top. Bon chérie, tu veux jouer contre qui pour gagner tes enceintes Bluetooth ce soir ? Marion. D'accord. Alors Wendy, tu sais que pour te permettre de gagner plus facilement, on va lui donner un handicap. Ouais. Et donc du coup, là, ça va être un petit délire de cheveux sur la langue, Marion. Ah. Bah j'ai pas de cheveux sur la langue. Bah non, bah justement, ouais. Il faut que tu en mimes un. Mais je sais pas faire. Bah c'est pour ça, Wendy, je pense qu'on peut déjà dire que c'est gagné. Oh mon dieu, attends, je me concentre. On laisse Marion commencer, Wendy, t'es d'accord? Mais c'est horrible. Oui, y a pas de soucis. Allez, quitte pas et on appelle tout de suite. Vas-y, fais-moi pour voir. Salut, c'est Anso. Ah oui, d'accord. Sauf qu'avec salut, c'est Marion, ça marche pas. Oui. Faut que j'utilise DF. Allô? Salut. Bonjour. Vous êtes qui? Pourquoi tu m'appelles? Ça vous amuse? Pourquoi tu m'appelles? Ça vous amuse? Ça m'amuse pas du tout. Ça vous êtes qui? La question, elle est simple. Pourquoi tu m'appelles? Bah, c'est vous qui m'appelez. C'est mon téléphone qui a sonné. Donc là, j'ai décroché parce que j'ai écrit le numéro inconnu. Et là, je sais pas qui vous êtes. Allô? Oui, bah c'est vous qui m'appelez. Pourquoi tu m'appelles? Attends, je tente autre chose. Qui êtes-vous? S'il vous plaît. Allô? Allez, parti, bah oui, non mais c'est impossible. T'as pas dit que tu venais de te faire casser la gueule et que t'avais plus de mâchoire, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas faire. N'importe quoi. C'est dur, Mano, tente-le, toi. Salut, c'est le Night Show sur Fun Radio. Ah, tu arrives vachement bien. Oui, salut. C'est pas très viril, mais tu y arrives vachement bien. Salut les amis. Oh là là, j'ai fait combien de secondes? 44 secondes. D'accord. 44 secondes, Wendy, tu peux aisément battre Marion, quoi. Voilà. Hein. Et essaye d'être plus digne que moi, évidemment. Allez, on y va, Wendy, oui. Bonne chance. Merci. Oh la barbe. T'es déjà allée à Orléans, Marion? Non, ça me dit rien. Et moi, j'y suis allée, figure-toi, l'année dernière. D'accord, c'était bien? C'est une grande, grande place avec Jeanne d'Arc. Mmh. Et il y a des restos très sympas. Je l'ai dormi dans un hôtel Ibis. C'était moins sympa. Fais gaffe, ça devient chiant. Allô? Allô? Oui? Excusez-moi, pourquoi vous m'appelez? Ah, mais moi, j'ai appelé personne, madame. Bah, je sais pas, je viens de décrocher le téléphone et parce qu'il y a marqué numéro inconnu. Bah, c'est possible, mais moi, j'ai appelé personne. Le téléphone était posé sur mon meuble de salle et ça vient de sonner. Bah, moi, j'étais en train de manger pareil et bah, il s'est mis à sonner. Et j'ai regardé, j'ai vu inconnu, alors je voulais savoir qui c'était. Ouais, bah, écoute, c'est moi. C'est pas vrai. Bah, d'accord, bah, c'est pour ça. Je voulais savoir bah, qui m'a appelé à cette heure-ci. Ah ouais, non mais vous inquiétez pas, ça doit être une erreur, moi je sais pas, mais c'est pas moi qui ai appelé. D'accord, bah de toute façon mon téléphone en ce moment il fait des bugs, alors ça se trouve, je sais pas. Ouais, bon ben désolé. Bah, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Non, y a pas de souci. D'accord. Bonsoir. D'accord, bon bah d'accord, bah je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, merci également, au revoir. Bonne soirée, au revoir. C'était pourquoi tu m'appelles le plus cordial mais de toute l'histoire. J'ai adoré parce qu'elle a complètement lâché l'affaire quand bon bah ok bah d'accord. Bonne soirée. Et on vous souhaite une bonne soirée. C'est mais elle a peut-être senti qu'elle m'avait battue. Combien de temps elle a fait? Bah ouais, 1:02. Ah bravo. Bravo Wendy. C'était bien, c'était poli, c'était carré, c'était cordial. En revanche, j'ai pas compris, le mec il dit j'avais mon téléphone posé sur ma salle. Ouais. Pas compris non plus. Bon bah sur le meuble de la salle. Sur le meuble de la salle. La salle de bain sans doute. Tout s'explique. Eh ben chérie, on t'envoie les enceintes Philips à la maison. D'accord, merci. On t'embrasse Wendy, vive Orléans, merci. Bisous. Ouais, et bon courage revoir, pour le taf bisous. Mardi. Hein. Bisous. Merci. Ciao ciao. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va parler d'une découverte que j'ai faite. Est-ce que tu connais Anso, le compte @seigneurconfesse sur Twitter? Mais évidemment, tu m'en as parlé tout à l'heure en douille. Certes, mais t'aurais pu maintenir une sorte de suspense, tu vois, l'intime, tu vois. Ça se fait parfois. Bon, le compte, je vous explique, c'est très simple. En fait, il vous permet d'envoyer un DM, une déclaration en anonyme à quelqu'un. C'est-à-dire que la personne la reçoit et ne sait pas d'où ça vient. C'est une intermédiaire, en fait. Je trouve ça hyper cool. Ça doit être génial à recevoir. Grave. Et ça nous a donné envie, en fait, de parler comme ça des personnes qui font les déclarations à vos places, les intermédiaires, ou alors si vous avez déjà utilisé un moyen. Je sais pas moi, une lettre, un réseau social, un truc. On parle de ça dans un instant sur Fun Radio. Ce sera juste après Julian Peretta. On l'aime celui-là. Oh oui. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. We make a truce, 'cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Marion et Anso, le Night Show. On était justement hors antenne en train de se demander avec Anso si demain on allait verser notre petite larme ou pas. Ouais, moi je pense. Je pense que toi, oui, moi je pense que je serais forte. Moi je pense que si je pleure pas à l'antenne, je pleurerais comme une Madeleine chez moi. Avec Wacha ? Ouais, comme une pauvre merde. Avec personne pour la consoler. Seule. Parce que je me rappelle que demain c'est notre dernière de la saison, peut-être notre dernière à tout jamais, on ne sait pas encore. Tout se joue demain pour tout vous dire. On a des indices. Hein. On n'est pas non plus sur voilà, un néant, mais rien n'est encore confirmé. Voilà, ouais. on est quand même de bonne humeur. Quoi. Voilà, on n'est pas non plus trop mal. Hein, on va pas se mentir. Les pauvres, ils vont s'imaginer que... Non, tout va bien, mais du coup, on profite encore avec vous là ce soir et demain. Et on voulait parler de ce compte que j'ai trouvé sur Twitter. Il y en a deux même. Ça s'appelle Send Your Confess. Ils sont à 40 et 30 000 followers, je crois. Et en fait, le principe est hyper simple. Vous avez un crush sur quelqu'un, vous l'envoyez à ce compte, et ce compte transmet à la personne, mais sans vous dénoncer, c'est-à-dire qu'il transmet la déclaration que vous avez écrite sans dire d'où ça vient. C'est assez mystérieux. Alors, je viens de chercher sur Twitter, il y a plein de comptes Send Your Confess. Ouais, mais il y en a des plus ou moins réputés avec plein de followers, tu vois. Ah d'accord, ok. Donc après, il y a peut-être d'autres comptes que ceux-là. Nous, on n'a pas, voilà, on les cite, c'est pas pour leur faire de la pub ou quoi. Je ne sais pas s'ils sont bons. Je trouvais juste le principe plutôt sympa et ça, c'est vraiment le délire amour virtuel. Tu vois, on n'ose pas aller voir la personne directement. On passe par un intermédiaire, donc c'est plutôt marrant. Après, il y a un peu de tout hein, sur ce compte. Il hein. y a aussi Senior Confess qui a posté les Bretons c'est les meilleurs. Est-ce que vraiment on voulait ça en anonyme? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait ils t'envoient des MP après sur le fil d'actu, ils mettent ce qu'ils veulent. Ouais. Mais c'est par exemple si toi tu reçois un jour un MP de Senior Confess, ça veut dire que quelqu'un a un crush sur toi et tu sauras pas qui. Ah, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Hein. Moi aussi, je trouve ça excitant ouais, en fait. Moi aussi. J'aime beaucoup. Donc allez-y là, appelez-nous si vous avez déjà utilisé ce compte ou si vous avez déjà utilisé un intermédiaire en général. Je sais pas, moi ça peut être un réseau, un autre, ça peut être un pote, un membre de votre famille, juste quelqu'un pour déclarer votre amour à votre place. Anso, on commence par toi. Moi non. Si les mots sur les agendas, c'est à la fin de l'année scolaire là. Ouais. Ou alors, mais ce qui était complètement con parce que tout le monde connaissait mon écriture. Bah oui. Okay, voilà. Ouais, j'ai pas. Ou alors des lettres. Ça m'est arrivé par lettre aussi. Et jamais des SMS, je sais pas, des trucs... Bah non, jamais, non. D'accord. Bah en même temps, SMS, tu vois directement que ça vient de toi aussi. Bah oui, c'est ça, en fait. Bah non, parce que parfois, la personne, elle a pas ton numéro. Bah donc ouais. Tu peux faire... Tu sais, moi, j'ai déjà reçu des textos, je savais pas d'où ça venait. Ouais, c'est vrai. Ils signaient pas et voilà. C'était sympa. Ouais, mais bon, je vois pas bien l'intérêt quand même. Bah, c'est maintenir le mystère. Ouais, ouais, mais bon, quand t'as envie de choper, t'as envie de choper. Faut dire qui c'est. Moi, je passais par mes copines en général. Quand j'étais trop lâche, je passais par elles. Ou alors, je laissais à l'époque des mots dans les casiers. Nous, on faisait ça à l'époque du bahut. Ouais. Et les mecs te répondaient du coup ? Non, moi, clairement, j'avais plus de chances de pécho le casier que le mec hein, à ce moment-là. Qu'à moi, j'ai pécho mon premier mec hyper tard. Donc, non, zéro chance, c'est con. Il y a Coralie Dépernay qui nous a appelé. Bonsoir, Coralie. Bonsoir. Ça va, Coralie ? Ça va et toi ? Ouais, t'as quel âge toi ? 21. Ok, 21 ans, est-ce que t'as déjà utilisé comme ça un intermédiaire ? Oui, ma meilleure amie. Alors raconte, comment ça s'est passé ? Bah en fait, je parlais avec un gars pendant des mois, mais j'osais pas lui avouer en fait que j'avais des sentiments. Mm-hmm. Et du coup, vu que ma meilleure amie, je lui dis tout, je lui en ai parlé et elle m'a dit est-ce que tu veux que je t'aide, machin. Et du coup, je lui ai dit oui, ça serait bien parce que je tiens vraiment à lui et du coup on est sorti en boîte et il était là et du coup elle a été lui parler et pendant la soirée il est venu et enfin, on a parlé et en fait il a avoué aussi qu'il avait eu des sentiments mais qu'il osait pas me le dire aussi. Oh, c'est trop mignon. Et vous êtes sortis ensemble? Oui. Et vous êtes toujours ensemble? Non. Ah merde. Ouais. Moi j'avoue que j'aimais pas trop ça quand il y avait des intermédiaires, quand il y avait des potes d'un mec qui venait me voir en disant ah ouais, il y a Aurélien qui veut trop sortir avec toi, ça me gonflait un peu. Bah ouais, mais c'est compliqué d'y aller. Moi j'étais team timide et c'est toujours difficile. Donc là c'est plus facile, c'est ta copine qui se mouille à ta place, tu lui fais confiance. Après comme ça si ça passe pas, tu vois, tu fuis et puis voilà. Puis moi j'aurais toujours eu peur que mes copines elles kiffent le mec aussi et qu'elles se le chopent, tu vois ce que je veux dire ? Attends, ça va, c'est des potes. Ouais, méfiance. Bon bah tant mieux si ça a marché pour toi, Coralie. Oui. Coralie, t'es en teuf là, t'es avec du monde ? Oui, je suis au bar. Ah, tranquille. Eh ben les gars, profitez bien, Coralie, on t'embrasse. Merci, gros bisous. Bisous. Salut, à toi, bisous, ma belle. Il y a Emeline de Grenoble aussi qui est avec nous. Bonsoir, Emeline. Salut les filles. Ça va toi ? Ça va ? Oui. Ça va ? T'as 30 piges ? Ouais, si, je suis vieille. Bon, non, t'es pas vieille, Anso, elle a 32, 33. Eh bah oui, merci. Je sais jamais. Hein. Je vais avoir 33. Alors dis-nous, est-ce que t'as déjà utilisé quelqu'un ou quelque chose toi ? Alors moi quand j'étais jeune, je faisais avec les lettres anonymes. Ouais, ça marche bien ça. Mais attends, parce qu'il y a plusieurs lettres anonymes. Est-ce que tu faisais comme les psychopathes dans les films qui découpent des lettres dans les magazines, tu sais, qui les collent après ? Non, parce qu'en fait c'était le frère d'une de mes meilleures amies. Mm-hmm. Donc en fait, elle savait que son frère me plaisait. Et du coup, j'avais fait une petite lettre, toute simple, hein, avec, à la main et tout, toute jolie. J'avais mis du parfum et tout. Et en fait, un soir où j'ai dormi chez ma copine et lui n'était pas là, en fait, je l'ai glissé sous l'oreiller. Ah, c'est beau. D'accord. Voilà. Et donc elle est partie un petit peu entre-temps à la pêche aux infos quand elle a eu écho de la lettre. Mmh. Et puis tout doucement, c'est remonté à mes oreilles. Et au final, il arrivait à savoir quand même qui c'était. Ah, et du coup, ça a marché ou pas? Ouais, jusqu'à ce que je le retrompe après. Ah, bah d'accord. Tu vois, on la voyait pas venir avec sa petite voix toute douce là. J'ai tenu 2 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, ouais, non, voilà. Ça se fait pas, mais. Mais le pauvre, tu l'as fait souffrir et tout. Oui, mais l'autostoppeur était mieux. Ah, ouais. L'autostoppeur, en plus. Bon, bah la lettre. On est jeune, on fait tous des conneries. Hein. C'est vrai, la lettre, ça marche bien. Et du coup, ouais, attends. Ça marche pas mal. Émeline, l'autostoppeur, après, tu l'as trompé aussi? Non, j'ai resté avec un petit moment. C'est bien, c'est bien. Émeline fait des coups comme ça chelou, mais elle reste avec les gens, c'est pas mal. Et aujourd'hui, t'es célibataire ou en couple? Je suis divorcée. D'accord, il y en a eu un autre après. D'accord, à la recherche de quelqu'un, quoi. Non, pas spécialement, je suis bien toute seule. Bon. Ok, et eh ben écoute, Émeline, merci de nous avoir appelé, ma belle. Je vous en prie, bisous les filles. On t'embrasse. Ciao. L'équipe, on va se faire un petit jeu. Ouais. Je vous ai demandé à tous d'écrire sur un petit bout de papier une remarque anonyme sur quelqu'un de l'équipe. Je les ai tous devant moi, je vais vous lire à chaque fois les remarques. Et la personne qu'elle concerne, ok? D'accord. On ne saura pas d'où ça vient, c'est à nous d'essayer de deviner la provenance de cette remarque. D'accord, ok. Mais même moi, j'ai pas les réponses. Donc de toute façon, on ne saura jamais, il y aura toujours un doute qui va planer. Vous d'accord. Êtes prêts? Premier petit papier. Je l'ouvre. Anso, ça te concerne. Waouh, ma plus belle rencontre de 2015 avec un cœur. Ah, ça, c'est très joli. Ah, c'est beau. Je dirais que c'est Enzo parce que c'est un gros lèche-cul, moi, mais je sais pas. Bah, de toute façon, c'est très simple. Manon, je le connais depuis longtemps. Marion, toi, je te connais depuis longtemps. Et Amir, Amir et Enzo, on se connaît depuis 2015. Et ouais. Bah, alors, c'est. Bah, moi, je crois reconnaître l'écriture. Et je pense que c'est Enzo. Mais on dit pas. Il m'a fait un gros clin d'œil. Putain, c'est de la chance, c'est gentil, toi. Mon bébé. Manon, j'ai déjà craché dans ton gobelet. Oh! Ben ça doit être Amir. C'est sûr que c'est Amir. Amir ou Anso? Il n'y a que Amir qui peut faire ça. Oui. Anso, elle est capable de jouer la comédie. Non, de faire. Non. Mais non, moi je suis incapable de faire ça. Amir, c'est même pas quoi? Cracher. Amir, défends-toi, est-ce que ça pourrait être toi? Et ça peut être toutes les personnes autour de cette table. Non, mais c'est Amir, c'est toi, ouais, dis-le. C'est excusez-moi, le principe de jeu, c'est être anonyme. Oui, mais les gens veulent savoir quand même. Ah, les gens vont se poser énormément de questions. Donc, t'es un cracheur de gobelets, quoi. Ça peut être plein de gens. Dégueu. Excusez-moi, parce que je viens d'ouvrir un papier, mais la personne n'a pas compris le jeu. Il n'y a pas de nom sur le papier, donc. Alors, j'en ouvre un autre. Amir. Les sourcils ne sont pas si horribles que ça, ils te vont bien. Oh. Ça doit être Mano. Il y a une écriture de genre je me la pète. Je pense que c'est clairement Mano. À mon avis, c'est du Mano tout craché, ça. Ah, je vais ouvrir le dernier. Mano, il a l'air sympa. Amir, il y a beaucoup de déclarations ce soir. C'est clair. J'ai déjà volé dans ton portefeuille. Oh, c'est chaud, ça. Mais qui a écrit ça? Je sais pas, mais on peut pas dire. Mais Enzo, il est pas bien alors qu'il t'a déjà écrit sur moi, toi. Qui ça peut être? Peut-être que c'était pas sur toi. Non, mais je sais pas. Il y a un fils qui a volé. Ah, je sais. Ça, c'est Marion, ça. Ta sale tête, je t'ai déjà cramé. Non. T'ai déjà cramé, me voler de la monnaie dans mon portefeuille. Regarde, elle se bat. Elle c'est Marion. Non, moi, c'était une belle déclaration sur tes sourcils. Ouais, non. En plus, comme un schlag, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est toi, Marion. Bon, et alors, puisqu'on est dans la dénonciation, c'est Anso qui a craché dans le gobelet de Manon. Voilà, rien à foutre. Et puis c'est Amir qui avait pas compris le jeu. Qu'est-ce qu'il est con, lui. Il a mis il ou elle a déjà été trompé. Bah, d'accord, mais. Il est bête. Mais il est con. Il est bête. Débilos ce mec, quoi. Putain, ça fait un an qu'on fait de la radio, on essaie de faire des trucs. En tout cas, si vous nous rejoignez sur Fun Radio, on était en train de parler des manières différentes, des intermédiaires qu'on pouvait employer pour pouvoir déclarer ses sentiments, voilà. Amoureux ou pas d'ailleurs, hein, à quelqu'un. Et on a Anthony de Paris qui nous a appelé là. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Ça va Anto? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Aïe aïe aïe. Alors Anto, dis-nous tout. Alors, en fait, je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans, je suis de Paris. D'accord. Et j'ai créé un faux compte Facebook. Ah, t'as créé un compte pour approcher une nana? Oui. pour draguer une collègue des filles. D'accord. Et comment t'as fait alors? Tu lui envoyais des messages, mais t'avais vraiment mis une photo et tout ou... Oui. Bah ouais, mais du coup, la meuf, elle a dû être hyper déçue quand elle s'est rendue compte que c'était toi, non? Non, au contraire. En fait, elle a... on s'est donné rendez-vous un soir. Mm-hmm. Vers 23h. Ouais. Et du coup, bah, quand elle a vu que c'était moi, bah, elle était contente. Et en fait, elle a... comment dire, elle a apprécié cette démarche. Ah bon? Mais moi j'aurais pas kiffé qu'on crée un faux compte pour m'approcher. Bah moi non plus, mais surtout elle a bien vu que c'était pas toi sur les photos. Bah non, non. Elle a trouvé ça mignon que t'aies fait cette démarche un peu mystérieuse, bah, quoi. Elle a trouvé ça mignon que, enfin, que je l'approche comme ça. D'accord. Bon bah t'es tombé sur quand même une cruche, hein, je pense, parce que mais globalement oui. On serait pas touché par ce genre de truc, nous. Hein. Est-ce que t'as réussi à la choper? Bah oui, puis on est à l'heure d'aujourd'hui, on est encore ensemble. Oh bah, ça c'est mignon. Bah, tu vois, finalement c'est pas mal. Ok. C'est un peu psycho, mais c'est pas mal, pourquoi pas. Ouais, bravo. Ouais. Et ben Anthony, merci de nous avoir appelé. Merci. Est-ce qu'on peut faire une dédicace? Ouais. Oui, vas-y. Bien sûr. Calme. Alors, je fais une dédicace à tous les troisièmes du collège de la Vallée du Lys. Mm-hmm. Et à mes potes, Guilio, Clara, Clément, Antoine et puis Jason, Guillaume. Ok, ça marche, c'est passé. Bisous, mon pote. Bisous, Antoine. À bientôt. Il y en a un qu'on n'a pas encore entendu ce soir à 23h30, c'est Pépère. Et j'aimerais bien savoir si lui, il a déjà fait des déclarations anonymes comme ça. Comment il s'en sortait? Bah, Pépère, lui, c'est le roi des déclarations anonymes. Hein. À l'école, je faisais que ça dans les cahiers de texte. Toi aussi, t'écrivais des mots dedans? Bah non, je jutais dedans, mais anonymement. Hein. Putain, mec. Ah bah ouais, mais si c'est anonymement aussi, bah ça oui. Marche. Ça passe. Bon, dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui débarque. Vous allez pouvoir gagner des hoverboards en plus, ça c'est cool. Grave. Si vous voulez vous inscrire, Marion et Anne-Soir@funradio.fr et pour nous appeler 01 42 48 5000. Et le Je te demande pardon de ce soir, c'est du très très lourd. Je viens d'apprendre l'histoire. Attention. David Guetta sur Fun. écoutez Marion et Anso, c'est le Night Show. On est en direct encore avec vous pendant quelques minutes. Et je vous en supplie, franchement, si vous nous aimez, faites-le. Oui. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Il nous reste 4000 clics pour arriver à 100 000 abonnés. C'est rien du tout. On a trop envie en plus de fêter ça là, avant de partir en vacances. Franchement, ça nous ferait hyper plaisir. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir si on arrive aux 100 000? Alors, on vous offre déjà de manière tout à fait normale une carte dédicacée. Ouais. Mais attends, à qui? Aux 5 000 qui vont cliquer là? Ouais. D'accord. Un poulet, parce qu'un poulet, ça dépanne. Donc, ils offrent un poulet. Tu veux pas payer tes ins? Et je peux payer mes ins. Oh, si non, on arrive aux 100 000. Non, quoi non, mais furtivement, faut pas rêver quoi. D'accord. Avec un soutif et un pull. D'accord, ouais. Ok, on va rester à 95 000 les gars. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Je te demande pardon sur Fun Radio. Et alors là, je vous l'annonce, c'est officiellement le dernier « Je te demande pardon » de l'année. Non. Et oui, parce que demain, évidemment, on va faire une spéciale avec plein de surprises, donc il n'y aura pas cette rubrique. Donc là, ça y est, c'est le dernier. Il faut qu'il soit bon. Ouais, il faut qu'on ait de la chialade, des moments émouvants, des moments où ça gueule, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Exactement, et en plus, vous gagnez des hoverboards, ça c'est cool. Enfin, des. un. Ouais. Un hoverboard, déjà, c'est pas mal, parce qu'on aime bien les trucs qui glissent. Ah oui. Bonsoir Claire de Cholet. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va Claire? Ça va et vous? Ah très bien, tu sais que je connais bien Cholet, c'est pas loin d'Angers. Moi aussi, bah, j'ai ouais, toute ma famille à Cholet. C'est pas loin de Nantes non plus. Bon, c'est ouais. Pas terrible. Non, mais il y a des mouchoirs à Cholet. Non, mais ouais. Non, mais honnêtement, c'est une des villes. Alors, j'ai toujours eu du mal. Comme avec Laval, les gens sont adorables là-bas. Mais ces villes, elles me rendent triste. Hein. Si, si, Place Travaux, c'est sympa. Il y a plein de boutiques et tout. Ouais, ouais, il y a plein de trucs. À Cholet, bah, c'est sympa, mais c'est petit, quoi. Ouais, mais... bon, bah, tout ce qui est petit est mignon. Exactement. Oui, bon, dis-nous, tu veux t'excuser auprès de qui ce soir? Bah, en fait, je voudrais m'excuser auprès de ma meilleure amie parce qu'en gros, elle est en couple depuis 2 ans avec son copain. Et elle est enceinte depuis 1 mois. Et en fait, avec son copain, bah, il pensait que le bébé, bah, c'était de son copain, quoi. Et il y a un mois, elle a couché avec son ex. Et en gros, bah, le bébé, il vient de son ex. Et moi, j'ai balancé la vérité. Et du coup, ça a foutu la merde dans son couple. Parce que Mais c'est... Enfin, Claire, tu doutes bien que ça fout la merde dans un couple, quand même, ça? Bah ouais, mais en fait, j'ai fait une guerre. J'ai balancé ça accidentellement. Et du mais coup, à qui tu l'as dit à qui? Bah en gros, j'ai dit à son ex parce que son ex, c'est un pote à moi et à la base, ils se sont connus grâce à moi. D'accord. Alors, j'ai parlé de grossesse et tout, donc. Laisse-moi récapituler. Toi, t'as une meilleure amie qui est enceinte et qui est maquée. Donc tout allait bien, son mec pense que le bébé est d'elle, tout ça. Sauf qu'en fait, elle a trompé son mec avec son ex et elle pense que ce bébé est de son ex. Ça? Oui, bah elle le sait parce qu'avec son copain, ils se sont toujours protégés. Mais son copain, il pensait qu'il était le père et là, bah, il a grillé qu'elle était infidèle. Bah attends, mais il est un peu couillon son copain quand même, s'ils ont tout le temps mis des capotes. Bon, on va voir qu'il y a un accident, ça arrive. Ça arrive. D'accord. Ouais, bah... Donc là, il a rompu avec elle, son copain, ou pas? Non, ben là en fait, je sais pas ce que ça donne parce qu'elle me répond pas trop depuis la dernière fois. Donc. Bah j'espère qu'elle va te répondre. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Non mais Marie, elle a quand même trompé son mec avec son ex sans se protéger quand même. Ouais. Je sais que on n'est pas là pour ça, mais j'ai envie de lui mettre une douille. Ouais, moi aussi quand même. Ils se sont laissés aller, c'était pendant une soirée, il y avait de l'alcool et tout. Oh bah alors. Non mais on vous le dit tout le temps, même quand il y a de l'alcool, c'est pas une excuse. Ah bah non. Non mais elle aurait dû se protéger. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, hein. Même pété, ça m'est jamais arrivé de ne pas mettre de capote, jamais de ma vie. Bah... Combien t'en fasses? Non, moi non plus, j'ai toujours fait très attention. Mais honnêtement, Bichette, est-ce qu'elle va garder le bébé ou comment ça se passe là? Bah, franchement, je pense qu'elle a envie de le garder parce que, ouais, elle voulait des enfants, mais après, c'est avec son copain, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Bon. Vous avez quel âge toutes les deux? Moi, j'ai 21 ans et elle a 22 ans. D'accord. C'est un beau bordel. On va appeler Marie, excuse-toi auprès d'elle, essaie de voir comment elle va, tout ça. Et puis, bah, nous, on est là s'il y a besoin pour intervenir, ok? Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. C'est quand même une sale histoire. Hein. Mettez des capotes. Regardez les galères après. Possible, on vous le dit tout le temps. Oui, allô? Allô, Marie? Oui, c'est qui? C'est Claire, je te dérange pas? J'étais occupée, mais ça va. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles en numéro privé? Ça doit être mon téléphone qui bug. En fait, je voulais te parler, enfin, t'as quelques instants là pour que je puisse te parler. Oui, un petit peu, oui. Ouais. Bah en fait, je voulais te parler par rapport à la semaine dernière, là, ce qui s'est passé. Je voulais te dire que j'étais désolée, quoi. Enfin, balancer toute la vérité et tout, je sais que ça a foutu la merde dans ton couple et je voulais savoir si tu m'en voulais toujours. Oui, un peu quand même beaucoup, hein, parce que t'as foutu un peu la merde quand même. Ouais. Donc je sais pas trop quoi te répondre. Ah ouais, mais je sais, moi, j'ai pas voulu, quoi. Enfin, j'ai fait une gaffe et hop, c'est parti. Et voilà, quoi, ça s'est fait. Et franchement, je voulais pas foutre la merde. Ouais, mais bon, t'as quand même foutu la merde, mais ça s'est arrangé, mais avec mon copain, mais quand même. Ça s'est arrangé. Bah oui, mais quand même. Et tu m'en veux toujours. Oui. Et je sais pas pourquoi tu m'appelles, en fait. Bah, je voulais m'excuser, quoi. Je t'appelle pour... je te demande pardon, et puis... Voilà, comme tu m'en veux, bah, je voulais m'excuser, parce que je sais que ce que j'ai fait, ça se fait pas... À cause de moi, ton couple, il est en train de faire la merde, quoi. Et franchement, bah, je suis désolée. Je sais pas quoi trop te répondre. Bah, peut-être excuse acceptée, éventuellement. C'est à voir. C'est à voir. C'est un bon début. Tu sais, ça dort et moi, je serai toujours là pour toi. Oh, ben. Et je balancerai tout le temps tous tes dossiers. Bon, Marie, bonsoir. Bonsoir, c'est qui ? Alors, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio, dans une émission qui s'appelle le Night Show. Tu connais ou pas ? Non, pas du tout. Eh ben, 22h minuit, du dimanche au jeudi. Il faut t'y mettre là parce qu'on finit demain, hein, donc. Ouais, c'est ça. Bon, Bichette, elle est passée au Je te demande pardon, ta copine, parce qu'elle s'en voulait de la merde qu'elle a foutue, même si, à sa décharge, c'est toi qui t'es quand même mis dans la merde toute seule, hein. Elle a fait une gaffe, oui. Certes, c'était pas cool parce que c'est ta copine, mais là, t'es responsable de tout ça et de toute façon, ça se serait su. Sinon, ça aurait été trop malsain. Donc, elle t'a rendu service, au moins, elle a crevé l'abcès au plus tôt, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, je me pose une question. Marie, comment ça a pu s'arranger avec ton mec ? Avec moi ? Avec ton mec, comment ça s'est arrangé ? Bah, je lui ai tout dit, quoi. Et il a accepté ? Bah, oui. Et il accepte le fait que tu portes un enfant qui n'est peut-être pas le sien ? Oui. D'accord. Même si ça vient. Et du coup, cet enfant, tu vas le garder ? Oui. D'accord. Et qui va le reconnaître ? C'est ton ex ? C'est ton copain actuel ? Comment ça va se passer ? Ça va être mon copain, je pense. Ah, d'accord. Et ton ex, lui, s'en fout. Lui, il n'a pas du tout envie de s'impliquer là-dedans, lui. Non. D'accord. Bon, bah, et juste tes parents, tout ça, la famille, ils en pensent quoi de tout ça ? Mais ils en pensent quoi ? Ils sont pas trop pour. Déjà, bah, c'est vrai que ça sent pas la responsabilité comme bon. Ça, hein, de loin, hein, si écoute, je peux me permettre. Tu fais ce que tu veux avec ta vie. La seule chose voilà, qu'on se dit avec Anso, c'est si t'avais mis une capote, tu te serais évité bien des galères. Oui. C'est, voilà, c'est naze. Donc la prochaine fois, capote. Oui. C'est d'accord. Bien, Marie. D'accord. Bon, mais surtout, Marie, la prochaine fois, trompe pas ton mec. Certes. Et puis voilà, tu vois. Est-ce que tu la pardonnes ou pas ? Bah oui, parce que c'est ma meilleure amie. Ah, oh, bah bravo. Ouais. Et bah voilà. Et bah Claire. Ouais. C'est gagné en plus. Bravo. Merci. C'est hyper cool, Claire, tu vas pouvoir faire du hoverboard avec l'enfant, ça va être génial. Bah oui, c'est cool, j'en perds plein de travaux. Bon, bah voilà. Les filles, on va vous laisser hors antenne, vous reparler un petit peu, régler tout ça. Et bon courage surtout, Marie, parce que là, t'es dans une histoire. Essaie de faire les choses bien et surtout pour l'équilibre du petit, quoi. D'accord, ok. Trop chaud. Cool. Non mais Marie, t'as l'impression que tu peux tout lui demander. Marie, tu me feras un chèque de 4 millions de dollars. D'accord, ça marche. Non, peut-être pas quand même. On vous embrasse les deux. Merci, bientôt. Bisous les filles. Salut. Ciao. Je viens juste de réaliser que ça y est, c'est l'avant-dernier moment Yonf de la saison. Oh non. Si, ça va être la dernière fois ou presque où on va parler cul. C'est horrible, j'ai envie de chialer. Mais tu voudrais qu'on s'appelle pendant les vacances et parler cul. Bah oui, j'aimerais bien. Ouais. Un quart d'heure tous les soirs. On va en parler ce soir avec Célia qui nous appelle parce qu'elle a eu enfin son premier orgasme. Oh. C'est ouf, je crois qu'elle a 26 ans, ça lui était jamais arrivé avant et elle s'est sentie très étrange, elle a trouvé ça chelou, elle veut nous décrire les sensations quoi. C'est vrai que les sensations sont bizarres au début. Toi, t'as des trucs chelous pendant tes orgasmes. Ouais, c'est vrai. Comment tu le sais ? Bah tu me l'as dit déjà. Ouais. Tu pourras le dire aux auditeurs. Évidemment, je ne vous cache rien. Allez, comment Anso jouit ? Ce sera dans un instant juste après Martin Solveig sur Fun Radio. Right. 23h46, ça y est, c'est l'heure de débuter l'avant-dernier sujet Yonf de l'année. Je suis toute excitée. J'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. Calme-toi. Hein, non, mais c'est vrai, c'est un de nos moments préférés parce que c'est vraiment là où on se livre le plus avec vous, les auditeurs. Même en anonyme, vous pouvez nous appeler. On parle de cul, on parle de tout, de libido, il n'y a pas de souci. 01 42 48 5000. Et j'avoue qu'avec Anso, on s'est dit, bah, cet été, ça allait nous manquer. Voilà. Ah, mais grave, c'est vrai. Mais en même temps, cela dit, le sujet de ce soir me plaît. C'est Célia qui nous a appelé parce que Célia, il lui est arrivé un truc génial. La première fois de sa vie. Bonsoir, Célia. Salut, tout petit. Ça va, Célia? Ah oui, ça va. Bon, t'es sur oreillette déjà ou sur haut-parleur, toi? Ah, pas du tout, non. Ouh, bah, ton téléphone, il est pourri, hein. Ah, bah. On va essayer de te comprendre quand même. Dis-nous, ouais. Célia, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Eh ben, en fait, j'étais avec mon copain que je connais depuis 6 mois. Et en fait, il m'est arrivé un truc bizarre, en fait. La première fois que je fais l'amour, mais cette fois-ci, en fait, il a, enfin, pendant l'acte, j'ai senti mes mains qui ont commencé à fourmiller au bout d'un moment, qui ont commencé à trembler, ça s'est propagé jusqu'aux jambes, et donc déjà je me sentais bizarre, et puis en fait après il a mis ses doigts, en fait, c'était pas par son pénis, c'était avec ses doigts, et du coup j'ai senti un liquide, en fait, au bout d'un moment, un liquide chaud. Bah oui. Qui m'a coulé entre les jambes, en fait. Alors, comme en même temps, j'ai ressenti l'envie de faire pipi, je sais pas si c'est durine ou pas. Enfin, non, Célia, tu sais ce qu'on va faire. Tu as clairement vécu ton premier orgasme, déjà félicitations, l'équipe t'applaudit. Ah, bravo. Ouais. Tu vas nous décrire tout dans un instant, mais surtout retrouve un peu de réseau là parce que c'est de la merde. 01 42 48 5000 pour nous décrire ce que vous ressentez pendant l'orgasme, c'est le sujet cul du soir, on en parle dans un instant. Salut, c'est JB. Salut, c'est Adrien Thomas. Electrobeat. Adrien, du 14 au 16 juillet, Axwell Ingrosso, David Guetta, DJ Snake ou encore Hardwell, ils mixeront tous avec la famille Fun Radio à l'Electro Beach Music Festival. Et ce jeudi soir, tous ces DJ, vous allez pouvoir les écouter dans le Before Party Fun spécial Electro Beach Music Festival. Make some noise! La radio qui vous fait vivre les plus grands festivals électro, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Découvrez de nouvelles expériences sur funradio.fr. La page Night vous donne l'agenda de vos futures soirées en France, l'actualité de vos DJ et les photos de toutes vos soirées avec vos potes. Rendez-vous sur funradio.fr et accédez également à un maximum de contenu dans les trois autres univers dédiés. Gaming, fitness et buzz. Démarrez maintenant votre expérience sur funradio.fr. Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Les sons Dance Floor. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Si je sais bien lire l'heure, c'est le moment de parler cul dans le Night Show. Allez, tout le monde à poil. Oui, tu sais bien lire l'heure, la voix. Elle va nous manquer cette voix aussi. Hein. Oh oui. On le kiffe, c'est Damien, on l'embrasse très fort. Il a fait du bon taf toute l'année avec nous. Bon, on parle cul avec Célia, 26 ans, qui a vécu son premier orgasme. Un peu sur le tard du coup, hein. C'est un peu tard 26 piges. Ouais, c'est vrai, mais ça peut arriver tard. Hein. Ouais, mais il y a même des femmes qui découvrent ça à 40 piges. Il n'y a pas d'âge finalement. Il y a même des femmes, t'imagines, qui ne découvrent jamais. Oui, c'est vrai. Bah, il y a des femmes qui sont quoi anogasmie, non, il y a un truc comme ça. Bon, les femmes qui n'ont pas d'orgasme. Ouais, bon, bah, il y a un mot, mais je ne l'ai pas là tout de suite. Hein. T'es là, Célia? Oui, je suis là. Donc, tu nous disais, toi, que tu t'étais sentie hyper chelou, quoi. Mais carrément, en fait, c'est pas la première fois que j'ai un rapport. Et en fait, jusque-là, j'avais beaucoup de plaisir et je croyais que c'était pas finalement l'orgasme. Et là, ce week-end, j'ai jamais connu ça, quoi. Et parfois, c'est tellement étrange, j'ai tellement de plaisir que t'as l'impression que c'est presque désagréable. Tu vois le délire? Oui, en fait. Et puis, tu te demandes jusqu'où ça va aller, en fait. Tu as l'impression de plus maîtriser ton corps et puis c'est. Tu, comme si tu t'envolais quelque part. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a. Je veux pas dire que ça m'a fait flipper, mais c'était vraiment la sensation de découverte et puis l'impression de pas contrôler et de pas savoir jusqu'où ça pouvait aller, quoi. Après, c'est vrai que chacun a des sensations bien à lui, tu vois. Il y a plein de. Nous, on en discutait dans l'équipe tout à l'heure. Et tout le monde le vit différemment. Ouais, c'est vrai ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le plaisir, ça c'est commun à tout le monde. Après, on a tous plusieurs sensations. On va se faire un petit tour d'équipe. Et vous nous appelez la 01 42 48 5000. Comment vous vivez vos orgasmes? Quelles sensations exactement vous avez? Comment on pourrait le décrire à ceux qui ne connaissent pas encore? Parce qu'il y en a plein de petits jeunes là qui nous écoutent, qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble. Bah oui. Et qui ont le temps de le découvrir, mais juste pour leur donner un petit peu envie. Anso, on commence par toi. Je ne sais pas si je vais donner envie aux gens du coup, mais moi j'ai l'impression que ma tête va exploser. Tu sais qu'il faut recracher à un moment donné, faut faire attention. Hein. Alors là, on est vraiment sur une meuf sans aucun respect. Non, mais je plaisante, mais comment ça, ta tête va exploser? Bah, tu sais, je sais pas, au moment le plus intense comme ça, j'ai l'impression que ma tête va exploser, des fourmillements dans la tête comme ça, puis un sentiment de jambes ultra lourdes. Ouais. Genre, je peux pas marcher, quoi. Mais là, comme ça, on dirait que c'est pas kiffant. Si, c'est génial. Des fourmillements, des jambes lourdes et ma tête qui va exploser. Non, non, mais c'est génial parce que c'est une fraction de seconde, donc. Oui. Et après, t'as une espèce de sentiment où t'es bien. D'ailleurs, j'aime pas les gens qui te laissent pas kiffer ton orgasme. Pourquoi? Comment? Laissez-nous kiffer nos orgasmes. Mais un mec qui touche comme ça tout de suite après, ah, laisse-moi kiffer, me reposer deux minutes, quoi. Ouais, mais et si après, lui, il a pas fini et tout. Oui, bah, si lui, il a pas fini, non, mais j'entends bien, mais juste après, tu vois, si par exemple lui est venu avant et qu'après je suis venue, laisse-moi kiffer, quoi. Arrête de me toucher, tu vois. Ok, c'est ton droit, pas de souci. Et toi, tu vis comment, ben? Moi, non, j'ai pas tout ça. Moi, c'est plus dans le bas du ventre, tout retourner, tu sais. Ouais. Mais vraiment des sensations et tout. Et puis, bah, pareil, sensation de légèreté, je sais pas, c'est un bien-être, quoi. Après, je peux pas trop le décrire, c'est compliqué. Mais j'ai pas de fourmillement comme toi, par exemple. Ah ouais, moi, j'ai rencontré plusieurs nanas qui avaient des fourmillements aussi. Ah ouais? Moi, ça me parle pas. Bah, écoute, désolé. Chacun son truc. Et puis, j'ai les jambes en coton, en fait. J'ai l'impression que je pouvais pas tenir sur mes jambes, que si je me levais, j'allais m'effondrer. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ok. Léa m'a toujours fait rire, moi. De quoi? Cette expression, les jambes en coton. J'imagine une personne avec des cotons à la place de la jambe. Con, elle. Voilà. Les garçons dans l'équipe, comment vous vivez le truc? Est-ce que vous avez une sensation particulière? Mano à l'area, par exemple. Moi, c'est un peu une sensation de plus rien contrôler, quoi. T'es plus maître de toi. D'accord. Voilà. Genre, tu te sens. Mais t'as pas un truc physique qui t'arrive? Bah, non, je sais pas. Enfin, t'as pas des fourmillements, des trucs comme ça, toi? Je sais pas, il aurait fallu que ça m'arrive avant l'émission pour m'en souvenir. Ok, Amir, toi, un truc particulier ou pas spécialement? Moi, ça monte à la tête. Ah, genre, bah, ça, tu vois, ouais, ça part un peu du ventre et ça. Dans la tête. Ouais, et d'un coup, c'est. Dring, dring, quoi. C'est l'explication la plus merdique. Ouais. C'est ça que j'ai jamais entendu. Dring, dring, quoi, ça va rien dire. Ouais. Bon, bah, essayez de mieux faire là au standard, s'il vous plaît. 01 42 48 5000, on veut des explications claires. Ouais, il y a Tom de Clermont qui nous a appelé. Bonsoir, Tom. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe. Oh, salut. Salut. Ça va, Tom? Ouais, ça va. Alors, dis-nous, comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe en général, d'ailleurs? Ah bah moi, quand ça se passe, c'est comme les montagnes russes. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Ça me met une sensation, c'est un truc de fou. Mais genre quoi? On veut du détail. Bah ça me bloque. Enfin, j'ai la respiration quoi qui se coupe quoi. Comme dans les montagnes russes, c'est pareil. Quoi. C'est la respiration qui se coupe. Ah ouais. C'est... Vous avez ça, les garçons aussi? De fou, quoi. Pas de souvenir. Alors jamais, mon pote. Ouais. Mais si, ça t'est bien déjà arrivé à un garçon de coucher avec un mec, Marion, qui fait un peu de bruit, puis d'un coup, oui. Une fois l'orgasme, qui fait oh. Ouais, ouais, je vois, ouais, ouais. Un truc comme ça, dans ce genre, quoi. C'est un peu ça, Tom. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et du coup, en général, tu kiffes? Ah, bah oui. Bah, non, mais tu sais que... qu'il y a des mecs qui kiffent pas, hein. Genre, c'est trop de sensations d'un coup. Mais si, il y en a qui préfèrent pendant le rapport sexuel et après, c'est too much. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est chelou ça. Bah, ça arrive, moi, je suis déjà tombée sur des mecs comme ça. Vous avez toujours kiffé, vous, les garçons? De quoi, le rapport? Non, l'orgasme. C'est pas pareil. Oui, mais le but, le plus kiffant, c'est quand ça arrive le plus tard possible. Ouais. Parce que faut savoir que chez un mec, je sais que c'est pas comme chez les filles, une fois que c'est passé, c'est terminé. Il y a plus rien, c'est le bad. Je t'ai parlé, toi? Non, mais il a raison, Enzo, au standard, puisque moi, ça m'est arrivé de tomber sur des mecs qui pouvaient repartir. Hein. Oui, t'as certains mecs comme Adrien Thomas qui nous l'a dit l'autre jour. Ouais, c'est sympa de le balancer. Je le balance, hein. Mais qui peuvent tout de suite repartir, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais sinon, par exemple, moi. Une fois que c'est fini, voilà, c'est terminé. On n'en parle plus, qu'on passe à autre chose. D'accord. D'accord. Mec qui est sympa, quoi. Ouais, non, c'est comme ça. Hein. Tom, on t'embrasse, mon chat. Merci de nous avoir appelés. Ouais. De rien, merci. Bisous. À bientôt. Il y a Sophia aussi. Et Sophia, je vous emmène où? Je vous emmène à Marseille. D'accord. Bonsoir, Sophia. Salut les filles, salut toute l'équipe. Oh, salut. Voilà, Sophia. Bienvenue. Oui, il fait chaud, mais ça va. Il fait chaud, bah t'as de la chance, hein, bah, chérie. Attends, Marseille, il fait hyper chaud. Quelle température t'as? Bah, 7h22. Ah, ouais, ah la chance! Oh, Marseille! Ah oh, putain, bon, fais-nous rêver! Venez à la maison! Venez à la maison! Avec okay. plaisir! Arrive. Comment ça se passe pour toi alors? Alors, moi, c'est assez bizarre. J'ai un fou rire, mais incontrôlable. Ah et bon? Après, on ne peut plus me toucher. Ah, mais j'étais tombée sur un mec aussi qui, à chaque fois qu'il faisait l'amour et qui, à chaque fois qu'il avait un orgasme, il prenait un fou rire aussi. C'est hyper bizarre, hein? Moi, je connais pas, j'ai jamais eu ça, moi. Non, mais alors, le plus bizarre, vraiment, ce qui est le plus bizarre, c'est de t'y faire, en fait. Et de la première fois que ça t'arrive, t'es quand même hyper surpris. T'as quoi. L'impression qu'il se fout de ta gueule, quoi. Ouais, exactement, genre. Mais genre, c'est quoi, c'est mon mec, c'est quand j'ai rigolé la première fois, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait, non, rien. Mais c'est quoi, en fait? C'est que plus rien n'est contrôlé dans ton cerveau, donc tu rigoles, comme ça, tu te lâches, quoi, en fait. C'est ça, mon corps, mon cerveau, il n'y a plus rien qui est contrôlé, et je me mets à rigoler. D'accord. Mais alors tu sais que ce garçon en question m'avait expliqué lui comment ça se passait. C'est qu'en réalité c'est un plaisir tellement intense que ça se transforme en fou rire en fait. Donc au final c'est plutôt cool. Mais au bout de 4-5 fois que t'as couché avec lui, t'as envie de lui dire mec retiens-toi quoi. C'est relou au bout d'un moment quoi. Sophia, il en a pas marre ton mec? Ah non, pas du tout, il est content. Eh ben c'est le principal, merci de nous avoir appelé. De rien, au revoir. Bisous. On t'embrasse, Sophia. Bon, l'équipe, on va se faire un petit jeu entre nous. Mais qui va concerner que les garçons parce que moi ça me gêne. Bah, d'accord. Ça s'appelle le Night Show. Un incroyable simulateur. Fun. Fun Radio. Un incroyable simulateur. Et oui les garçons, on veut voir comment ça se passe chez vous. Essayez d'imiter au mieux la façon dont vous avez un orgasme. On commence par Amir des réseaux sociaux. Amir. Ah oui, il se lève. Ah, et Amir, t'es à fond quoi. Ouais. Vas-y. Mais ça, non, fais un vrai truc. Hein. Ah ouais. Fais un vrai truc. Mais c'est un mytho. Un vrai truc que tu fais vraiment. Ah, que je fais vraiment? Bah oui. Et je fais une... Tu simules, donc tu es obligé de le faire quoi. Okay. Allez. Me gêne. Moi aussi ça me gêne. Vas-y, je te regarde pas. Et pourquoi on a ces idées? Alors fermez les yeux et à la maison aussi. Et dans la voiture. Enfin, non, pas dans la voiture. De toute façon, ils te voient pas à la maison. Pas dans la voiture, les gars. Ouvrez les yeux dans la voiture. À la maison, fermez les yeux et puis dites-moi si vous kiffez, ok? Alors attention. Hein. Mais j'ai pas fini, t'as laissé moi aller au bout de mon orgasme. Mais c'est personne ne joue comme ça. Ah ouais. Attends, c'est non. N'importe quoi. Bon, Mano, essaie de faire mieux et réaliste. Et Mano il peut pas, il est trop gêné. Mais moi je suis surtout très discret hein. Je crois que genre parfois je dois faire je sais pas. Voilà. Et il a même la jouissance chiante. Mec, moi je fais un. T'as qu'à le dire si on te fait chier. Hein. Mais non, d'accord. Mais je suis en mode vibreur. Moi je fais pas de bruit. Alors, je sais pas si je demande à Enzo ou à Pépère, qu'est-ce que vous préférez? Pépère et Enzo. Les deux. Enzo d'abord et Pépère après. Ouais. Enzo, vas-y, moi, et Cindy du standard aussi. Non, arrête. Non, on a dit non, pas. Non, demandons pas. Moi je suis plus sur un petit. Vas-y. Voilà. Ah, ça m'angoisse quand même. Hein. Ah ouais, non, parce que lui, il le fait vraiment. Ah, il le fait vraiment. Oh. Ah, c'est quoi ce trou là? Non, mais non. Non, ah, mec, non, mais sois pas. Sois pas non, mais sois pas gênant. Mais je suis imagé, moi. Eh, oh. Vas-y, pépère maintenant. Ouais. Crie mon nom. Ah non, tu peux pas parler, t'as pas l'âge. Oh, ouais, pépère. Alors, je suis à deux doigts de demander à Flo, notre stagiaire, puisque toute sa famille est venue ce soir. Il a sa maman, sa soeur et sa marraine qui sont dans le studio. Alors, Flo, est-ce que tu peux nous simuler? Ah, c'est très gênant pour toi. C'est horrible. Ah, ça y est. Il a joué le jeu quand même. Merci Flo. Bon bah voilà les mecs, j'y crois pas trop à part Enzo, je pense qu'il l'a fait sérieusement. Ouais, ouais, Enzo, oui, il a fait sérieusement. Bah moi j'y étais, ouais. Et juste, Hanson va pas le faire, mais toi tu es du genre à crier toi. Oh mais elle, non. Elle te défonce des murs elle. Ah ouais. Non, mais vous déconnez ou quoi? Moi je crie. Alors, pas. Hein. Entre, tu vas me dire si c'est plutôt. Voilà, ou plutôt. Bah ça dépend. Ou plutôt. Voilà, bah, plus ça court. Dépend, ça dépend. Moi je mise sur le 2. Ouais, moi aussi. Non, pas autant. Ouais, plutôt non. Ça alors. Oui, bon, bah écoutez, c'est très bien. Cessons tout de suite. On va vous dire que demain, il faut impérativement que vous soyez là avec nous, puisque c'est la dernière émission de toute la saison avant les vacances. On vous prépare plein de surprises, il y a plein de messages d'artistes, il y a des cadeaux à gagner. Et puis surtout, on vous révélera si on sera là à partir de l'année prochaine ou pas. Bah, on le saura surtout demain. Donc, souhaitez-nous bonne chance, soyez avec nous, continuez à nous tweeter, on lit tout, ça nous fait plaisir. Ouais, et puis demain, du coup, tous les auditeurs qui vont passer dans l'émission, on va leur offrir des codes Allo Paradise. Vous savez, c'est des codes PSN et Xbox Live, ouais. Pour s'abonner et jouer en live avec vos potes et tout. Et on offrira aussi des overboard demain. Sympa. Ça, c'est cool. Putain, donc, c'est soyez cool. Bien là demain à partir de 22h sur Fun Radio. Tout de suite, on vous laisse avec Party Fun et c'est Miko qui va vous accompagner comme ça jusqu'à 1h du mat. Ouais. Et on termine en chanson Babber. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Merci beaucoup. Au calme. Receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Miko C. Mix Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Ça se passe comme ça tous les soirs, juste après le Night Show de Marion Yanso, une heure de son Party Fun avec vos morceaux préférés. Vous allez faire la prog avec moi, hashtag Party Fun sur Twitter, Yel3228. Tu me fais toujours peur, Pépère. Ouais, bah Pépère, il est là même ce soir. Bon, qu'est-ce qu'on va s'écouter, Pépère, parce que tu fais les lancements maintenant. Bah alors là, ce soir, je crois que c'est... Dans le micro, Pépère. Alors attends, c'est quoi, c'est Major Lazer? Il y a Major Lazer, il y a Mike Posse. Ouais, il y a Eugène. Mais on démarre Party Fun ce soir, Mikosé, avec bien sûr des oraux que tout le monde kiffe. Welcome on board. Ouais, welcome on board tout le monde. Et surtout, 101.9 si vous êtes en voiture, c'est le top. Pour Paris, dans funradio.fr. Merci, ah Pépère. Ah oui, c'est vrai. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Ya vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Miro sevillana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no votas.

nouveautés démarrent d'abord dans Party Fun. Party Fun. Avec Mico C. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio.